Bonsoir. Bonsoir. C'est Cristal. Vous pouvez me retrouver au 3615 Showtime. J'écoute Actu Solite parce que j'aime prendre du bon temps. Tout le monde écoute Actu Solite. Là, il y a tout une des stars. Dinao. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une entrée ratée pour Actu Solite à ce jour de rentrée, hein. Mais c'est pas grave, hein, ça le fait quand même, hein, Actu Solite sur Indestar jusqu'à 23h ce soir. On est mercredi 6 octobre, les gars. Oui, et déjà. Ce soir, dans l'équipe, nous avons Antoine. Bonsoir. Bonjour, Antoine. Si je dois te dire 2-3 mots pour me résumer tes vacances, ton week-end. Bah, pour les vacances, je suis parti au bord de mer, en Vendée. Ah, nickel, avec qui? Avec ma copine et puis ses enfants. Ah, ça devait être génial. Oui, bon, c'est bien amusé, dans un camping et tout. Dans un mobil-home. Dans un mobil-home. Ah, c'est un camping. Oui, bah, en mobil-home. Oui, c'est un mobil-home, oui. Ah, putain, il sait toujours pas où il est parti, lui. Et nous avons Anaïs également ce Bonsoir. Soir. Bonsoir. Si tu... Oui. Oula. On n'a toujours pas dit... Le stress. Si tu... Pas du tout. Si tu devais nous présenter un peu comme ça ton week-end. En 2-3 mots, je raconte mes vacances. Oui, ou ton week-end, comme tu veux. Pas de vacances. Voilà, voilà, c'est présenté. Et qu'as-tu fait ce week-end? Ah bah rien, je dors. Tu as travaillé? Non, oui, non. Je sais plus. Parce qu'Anaïs, depuis l'année dernière, rappelons-le, elle est au chômage et elle a trouvé un travail. Je vois qu'elle a une vie passionnante. Elle est au chômage, elle a dormi ce week-end, elle a rien fait pendant ses vacances. Si, j'ai travaillé. C'est Anaïs. Non, pour moi. Et nous avons aussi Jolane ce soir. Jolane, comment vas-tu? Bonsoir, très bien. Ton week-end? Bien passé, les vacances aussi. Ok, merci, on s'en fout. Et nous avons aussi de temps en temps qui va surgir de l'émission ou je ne sais je où. Je surgis, ouais. Voilà, ouais. Voilà. À tout moment, t'es je un lion en cage. Ouais. Théo avec nous ce soir. Mais bonsoir, bonsoir à tous. Tu veux que j'explique oui, mes bah vacances? Oui, bah oui, je vais pas répéter 10 fois la même alors, chose. Alors, vacances, mi-figue, mi-raisin. Ah, ça se dit encore, ça? Bah, je sais pas. Ah, ok. Non, non, c'était des bonnes vacances. On est parti en road trip avec une partie de l'équipe ici. On s'est bien amusé. Ah, oui, c'est vrai, je voulais participer, on m'a pas invité. Non, bah non, ça sera peut-être pour plus tard quand tu auras fait au moins 4 ans d'actu solide. Ah la vache, il me reste encore un an. C'est vrai. Il me reste encore un an. Et ce soir également, nous avons Juliette. Bonsoir. Chanteuse des mangas. C'est ça, hein, chanteuse c'est ça. De manga. C'est voilà. Ça. Comment vas-tu, Juliette? Ça va. As-tu passé un bon week-end? Désolée, je te coupe. Hein. T'inquiète. Oui, j'ai passé un bon week-end, j'ai pas fait grand-chose. Je suis allée à la fête de la Saint-Denis. Je promouvois mon village. Ah, ok, je ne sais même pas où c'est. Je pensais que c'était une fête, tu sais que t'avais tous les ans, mais en fait, non, c'est un village. C'est tous les ans. Non, c'est pas un village, c'est une petite ville. Je ne connais pas du tout. Je sais pas où c'est. Saint-Denis-en-Val, dans le 45, près d'Orléans. Ah, bah je connais pas en fait. Faut y aller. La fête de la Saint-Denis, c'est tout le temps au mois d'octobre. Fête foraine, brocante. Oh le mieux, j'ai c'est raté la fête une fête foraine. Ouais, bon, franchement, la prochaine fois, tu nous préviens, Juliette. La prochaine fois. Après, vous avez pas manqué grand chose. Hein. Les attractions, il y en avait plein qui étaient pas là. Et ils ont augmenté les prix à cause du Covid, comme ils font plus assez de chiffres. Est-ce qu'il y a des saucisses à manger? Ah non. Ah bon, c'est nul alors. Non, il y a du sucre, il y a des barbes à papa, des gourdes, des chichis. Ah, il y a des chichis. Peut-être à la buvette, il y a des saucisses. Après, je sais pas, je suis pas allée. D'accord. Et du coup, moi, si tout le monde me demande, moi, c'est Amélie, hein, toujours présente sur Indestar avec Solite, on change pas. Hein. On l'a pas encore. Et moi, j'ai passé un super week-end. J'ai emmené ma chienne au veto, ça m'a coûté 500 balles. Je commence déjà le mois d'octobre avec 500 balles en moins. Donc, en espérant qu'Indestar un jour commence à nous payer parce que ça commence à devenir long. Passons tout de suite. Bah, bizarrement, quand tu as parlé de paye, mon micro s'est coupé. Ouais, ah, merde. Ouais, ah putain, ah, c'est con. Ouais, c'est bizarre. Et du coup, passons tout de suite au Recto Verso. Un nouveau jeu. Théo, oui. Es-tu là? Je suis là. Alors, je vous explique le principe du Recto Verso, qui est effectivement un nouveau jeu. Vous entendez cette petite musique douce? Parce que, en fait, chaque semaine... Ah, problème de micro. Un petit problème de pile là. On n'a pas d'argent pour acheter des piles là, dans cette émission. Donc je suis pas prête à avoir mon salaire. C'est pas grave. On va d'abord acheter des piles et après on te payera. Donc je le disais, petit jeu qui va consister tout au long de cette émission à vous immerger dans un nouvel univers chaque semaine. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Cette semaine vous serez sur la plage. Alors vous avez retrouvé un petit enfant muet sur cette plage qui vous fait comprendre qu'il a perdu ses parents. Elle vous fait comprendre avec des signes. Par contre, vous savez pas du tout comment il s'appelle. Donc il y a un micro à votre disposition dans la cabine de plage qui est un petit peu plus haut. Mais évidemment, pour passer l'annonce et pour faire en sorte que ses parents le retrouvent, il va falloir que vous connaissiez son prénom. Donc il va y avoir certaines personnes qui vont être prêtes à vous aider, mais il va falloir rentrer dans leur jeu, au sens propre du terme. Hein, vous allez réellement jouer. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi au long de cette émission? Oui. Vous êtes prêt à retrouver le nom du gamin et de passer l'appel et qui retrouve ses parents pour pas l'avoir sur le dos pendant toute l'année? Oui. Ah bah oui, là oui hein. Là il y a un double oui, j'ai l'impression. Ah bah oui, là il y a aucun souci, là on est prêt. Et bah ça va être votre défi de la soirée et bien évidemment, il va falloir suivre cette émission jusqu'au bout puisque vous allez découvrir au fur et à mesure quelques indices et vous saurez avec l'équipe, vous pouvez même les aider l'équipe. Comment on fait pour aider? Bah on appelle. Et on appelle, c'est gratos? C'est quoi le numéro? Bah évidemment, c'est au 09 70 407 306. Mais avant de retrouver ce petit garçon, nous allons jouer à un nouveau jeu. Encore? Bah oui, mais recto verso, ça reviendra tout à l'heure. Bah oui, non mais c'est bien d'avoir des nouveaux jeux, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux. Ah bah nous c'est de la nouveauté, hein. Wow. On envoie du lourd tout le temps. Et nous allons commencer à jouer avec Anaïs pour le chant des migraines. C'est moi qui ai trouvé le titre. Chant des migraines. Et un aspirine, un. Exactement. Nouvelle rubrique. Le but du jeu est très simple. Je vous propose un mot et vous devez me trouver une chanson contenant ce mot-là. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez un exemple? Donc en fait, tu vas nous donner un mot et on va devoir connaître une musique en fait qui est dans la musique. C'est ce que j'aime dire. C'est ce que j'aime dire. Est-ce que tout le monde peut jouer? Ouais, Bah évidemment, tout le monde peut jouer. Même Juliette toi, qui est chanteuse de manga, à mon avis, elle va être trop taquée. Pas dire que je connais les mots. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, je vous propose. Attends, parce que moi, faut pas que je triche. Éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Un point pour Amélie. Ouais. Putain, alors, t'avais pas précisé parce que Juliette a levé la main. Ah oui, ah merde. Ouais. Moi, je suis une chante. Hein. Tu chantes direct. Ah ouais. T'as une chanson, tu chantes. Ah, on peut dire le nom du chanteur aussi, même si. On ah tic. Et du coup, Juliette, t'avais trouvé la même chanson que moi. Bah, l'idée, c'est de chanter, Jolan. Le principe de ce jeu. Ah bah. Mais pas besoin de lever la main, tu chantes directement. Ouais. Allez. Ça va être le brouillon, cette. Le mot seul. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Exact. Seul au fond de son lit. Seul au bout de la nuit. Garou. Alors c'est vie ou c'est nuit? Parce que j'ai entendu les deux. Moi je dis nuit. Au bout de la nuit. Au bout de la nuit. Ouais. Ok. Les démons de minuit. Alors continuons avec le mot brille. L'amour brille sous les étoiles. D'une étrange lueur. La terre entière en parfaite harmonie. Ouch. Bienvenue dans l'émission karaoké. Je vais pas y arriver ce soir, je vais pas pouvoir en faire film. Alors je vous propose l'avant-dernier mot. Allez Jolan. Allez, c'est pour toi ça Jolan. Le mot meilleur. Meilleur. Dans un monde meilleur. Tu resteras mon meilleur ami. Je serai là. Attends, toujours pour toi. On a du lori vraiment. Je suis désolée, mais Antoine a commencé le premier. Je suis désolée. Mais excuse-moi, il a mis 3 heures aussi à chanter, hein. Non, tu lui as coupé la parole. Bah oui, j'avoue. C'est qu'il chantait pas assez fort. Hein. Ouais, voilà. Puis je connais pas la suite. Voilà. Mais en même temps, s'il te tient un bout de la chanson aussi au passage, moi je dis que j'ai gagné. Point noté à Amélie. Merci. Il faut compléter un peu. Ah oui, mais c'est facile. Vas-y, tu fais les cœurs, Antoine. Vous êtes au taquet pour le dernier mot de cette rubrique? Oui. Ouais, ça se voit. Le mot aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est mon désir. Comédie musicale Indestar. J'espère que chez vous avez baissé un peu le son. Ouais, j'espère aussi parce que waouh. Ouais, franchement, je crois qu'on donne mal aux oreilles. Je pense qu'ils ont même éteint la radio. Restez, il y a des choses qui vont se passer. Mais oui, la question pour un concon qui arrive. Oh, c'est quoi question mais pour un concon? Mais plein d'autres choses encore. Bah, la question pour un concon, ce sera un jeu. Ouais. Qu'on avait l'année dernière. Ah, c'est pas un nouveau jeu. Non, c'est pas nouveau, mais il y a de la nouveauté dedans. En même temps, l'année dernière, on a fait un mois. Voilà, ça change. Anaïs, qu'est-ce qu'on va écouter avant ça? Eh ben, on va écouter Zombie, une cover de Corvix. Sur Indestar. Actu Solite, tous les mercredis, de 21h à 23h sur Indestar. Actu Solite, Indestar. On est là jusqu'à 23h, on ne bouge pas. On partage notre meilleure ambiance que l'on peut donner sur ce plateau. Et on reste jusqu'à 23h. C'est ce que j'ai dit. Pardon. Voilà, merci mon perroquet. Ce cas où ils viennent d'arriver, les gens, et que voilà. Attends, il y a ça avant. Restera cette année dans sa valise. C'est quoi ça? C'est une YOLO musique? Et c'est quoi les YOLO musiques? Parce que sur Actu Solite, on aime bien les musiques ordinaires, les musiques que personne ne connaît, des musiques bizarres. Ça, c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Bah, sérieux, Dorothée, c'est pas de mon époque. Donc. Non, c'est la mienne. Ça se voyait que toi qui connais. On est presque de la même époque. Non, c'est. Ouais. Mais après, c'est spécial, hein, les YOLO musiques. Hein, faut aimer, faut pas aimer. Ah, mais ça, hein. C'est mythique, ça, le club Dorothée à l'époque. Tout le monde regardait ça. Et ça, c'est Corbier. Bon, qui nous a quittés hein, depuis. Mais ouais. C'est quelle année tu dis? Oh, ça c'est les années 90. Dans les années 90, ouais. Mais toi, t'avais déjà 20 ans à ce moment-là. Ouais, c'est un truc de malade. Non, mais y a... alors je vous raconte parce que pourquoi il parle du nez de Dorothée? Parce qu'il y avait toute une musique de Dorothée. Le nez de Dorothée, c'est voilà, c'est un truc connu. Elle avait un long nez, Dorothée. Bon. Et donc là, il en rigole. Et à l'époque, la chirurgie esthétique n'existait pas. Et voilà, donc elle s'est pas fait refaire le nez. Et dans sa valise, parce qu'il y avait la chanson La valise de Dorothée, où elle mettait les chaussettes à petits pois dedans. Bon, bref, c'est toute une époque, toute une période. En fait, la meuf, on lui a décrit sa vie quoi, en chanson. Ouais. Sa valise, son nez, tout. Bah, tu sais, c'est ça, les chansons pour enfants, en principe, on décrit. Toute une répartie. Ouais. Ah bah, chez nous, on est fort, hein. Du coup, Anaïs, tu peux me dire ce qu'on va faire là tout de suite maintenant? Eh ben, on va jouer un jeu. Oui, lequel? Question pour un concon. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel, pour question pour un concon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Désolée, je suis mal polie, je donne les hommes en premier, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Ce soir, nous allons jouer pour question pour un concon. Avec un K. C'est pas avec un C, c'est avec un castané. C'est un jeu de questions. Et il m'en restera qu'un à la fin. Ah. Des questions insolites. Je peux vous poser des questions, mais n'importe quoi comme question. Est-ce qu'il y aura des réponses? Ça dépend des manches. Vu que ce sera fait sur trois manches, ça dépend. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure, les manches. D'accord, et alors je m'en vais, c'était passe-partout. Merci. Nous sommes heureux de... Putain. Ah, le relou. Sortez-le-moi de ce studio, bordel. Mes clés. Putain. Et du coup... désolé, vous allez me tuer. Un truc à gagner ce soir. J'ai été vous le chercher exprès. Mon Dieu. J'ai pas pris un truc trop cher. Quoi, un bréchet? Un Doliprane. Ah, non. Une boîte de Doliprane. Je veux du ouais. Voilà. Et du coup, avec nous ce soir, nous avons Paul. Bonsoir. 48 ans. Oui. Sirène professionnelle. Eh oui. Il manie sa queue comme personne. Eh oui, c'est celle-là. Oh non. Nous avons Julien avec nous ce soir. Ah, bonsoir. 23 ans, vit encore chez ses parents. Je ne connaissais pas, il est chou-nivore. Il dit quoi? C'est-à-dire que le gars, il mange du chou tout le temps. Ah d'accord. J'espère que tu vas pas nous embaumer le studio. Ma passion, c'est le chou. Si t'as envie, il y a une porte là-bas, tu vas péter. Ah non. Et nous avons Léa avec nous ce bonsoir. Soir. Bonsoir. 36 ans, adore lécher les pieds de son copain. Ouais. Et elle fait même des sculptures avec ses ongles. Oh, c'est j'adore. Pas bon, ça. Ah, c'est pas bon. Une œuvre d'art. Et c'est... nous avons Juliette aussi ce soir, 21 ans. Et elle est chanteuse de manga. Je précise quand même 20 ans. Ah, pardon. C'est presque pareil. Tu l'as vieillie. La régie s'est trompée. La régie m'a dit à l'oreillette, elle a 21 ans. Elle est méchante, la régie. Hein. Voilà, nous avons encore quelque chose à revoir avant tout ça. Quelques licenciements. On verra ça tout à l'heure. Ils vont m'entendre. Et passons tout de suite à la première manche. Ce soir, exceptionnellement, j'ai 4 candidats. 3 questions, 3 propositions de réponse. Vous avez l'ardoise pour le noter. À la fin, il n'en restera plus que 2. Du coup... Première question. Oui. Combien un crayon peut écrire de mots en moyenne? Un crayon? Oui, un crayon. Tu sais ce que c'est, un crayon? Oui, non, mais oui, non, mais... Voilà. Petit A, 40 000 mots. Petit B, 45 000 mots. Petit C, 50 000 mots. La régie se demande si c'est des grands mots ou des petits mots. Des mots. De style moyen. Voilà, moi, non, mais c'est qu'il y a des petits et des grands mots, donc au final ça se moyenne assez bien. De manière intermédiaire, quoi. Il arrête de me couper la parole. Et c'est la régie. J'ai dit, on écrit sur l'ardoise. Mais je peux pas, moi je suis occupé, je dis la C. La C. Ouais. Anaïs nous a dit la C. La B pour. La B pour Paul. Paul. Et la. La C. C. Pour Juliette. Ah, mais moi j'ai écrit 50 000, c'est plus. C'est les réponses énoncées. Ouais, mais ça m'a perturbé du coup. Vous me perturbez ce soir. Du coup, la bonne réponse était la réponse B. Wow. Ah, bravo Antoine. Qui avait la bonne réponse? C'était Paul. Putain. Mais après, ça dépend du crayon peut-être aussi, si c'est un crayon de papier, un bic, tout ça, c'est pas précisé. Oui, bah je ne précise pas dans cette émission. Question numéro 2. Qui a écrit l'Odyssée? Petit A, Homer. Petit B, Apu. Petit C, Marge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire? Moi, je dis la B, allez. Hop. Tu dis Apu, toi? Ouais. Oh, putain. C'est drôle. Je savais qu'il y avait du QI bas sur Actu Solo. Ah ouais, mais à ce point-là. Julien, tu me déçois quand même. Bah. Non, trop tard, tu m'as dit B. Léa? Je croyais que le show, je t'ai rentré à Paul A. Et Juliette. Mais tout le monde sait c'était que c'est forcément Homer. Mais tout le monde le sait quand même. Julien est un peu un petit cuit de poisson rouge. J'ai le cerveau comme un chou. Et troisième question, attention, il m'en faut deux pour être qualifié pour le duel de la deuxième manche. Que collectionne un conchiophile? Quoi? Ou un conchiophile? Un conchiophile. Comme vous voulez. Petit A, des fèves. Petit B, des timbres. Petit C, des coquillages. Un conchiophile. J'hésite du coup. Ah, c'est dur. Hein. Je dirais des coquillages. Moi, franchement, j'hésite entre les trois. Paul, il nous a dit un C, Léa, un C. Ouais, coquillage, moi. Donc, c'est Julien, coquillage, c'est un C également. Et Juliette, c'est un C également. Et vous avez tous raison. Ah. Ceci est le C. Ah. Alors, la régie dit qu'il y a 3 points pour Paul, 2 points pour Léa et 2 points pour Juliette. Bah, on n'est pas dans la merde. Par contre, Julien a seulement un point. Oui, bah, on s'en doute un peu, hein, Julien. Et on fait comment, s'il y a égalité? Peut-être que nous pouvons accepter les 3 joueurs dans la deuxième manche. C'est une suggestion. Pourquoi pas? Très bien. Ok. Bah, alors, nous allons passer tout de suite à la deuxième manche. Peut-être que nous offrons un léger cadeau pour notre cher candidat Julien. Non. Non. Alors, sans cadeau. Il a perdu, tant pis pour lui. Excuse-moi, Apu pour Homer, je ne peux pas accepter. Aucun c'est cadeau, Julien, vous repartez sans rien. Et merci d'être venu. C'est pas possible. Il a fait chou blanc. J'avoue que celle-ci est pas mal. J'y penserai pour la prochaine fois. La régie se marre. Nous passons tout de suite à la deuxième manche, le duel ou le triel, parce qu'ils sont 3. 3 questions sans proposition, à vous de buzzer. Juliette, tu feras le cri « i-an ». Très bien. Paul, moi, tu feras le et moi je peux faire le ouin. Et toi tu feras le ouin. Exactement. Oui. Oui. Nous avons pas encore pensé à acheter des petits buzzers sur question point. C'est pas grave, fais maison. Première question. Quelle est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Non mais là j'ai pris des questions simples, hein. Je peux plus rien dire. C'est pas Smeralda? Oui. Oh. Bravo Paul. Bravo. Comment tu l'es revenu de loin celui-là? J'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. Je l'avais pas. Je voulais le dire, mais j'étais pas sûre. Cette question est facile. C'est deuxième ce que t'as dit à la précédente. Quelle couleur rendrait les taureaux agressifs? Antoine. La régie n'a pas entendu. Antoine. Le rouge. Exact. 2 points pour Antoine. Paul. Donc, pour Paul, voilà, je me trompe à chaque fois, moi de prénom, vous ressemblez. Ouais, mais ils se ressemblent. C'est deux petits gros à calvitie aussi, vous voulez que je dise quoi aussi? Au bout d'un moment, Paul, on sait déjà que tu es qualifié. Ouais. Mais on va voir le QI de nos candidats. On va continuer la troisième question, parce que j'ai pas travaillé pour rien non plus. Dans quel jeu télévisé faut-il éviter de tirer des boules noires? Ou de prendre des boules noires? Ouais. Je croyais que tu devais faire canard de base. C'est quoi? Ah, il est malade le canard. Modus. Yes. Et du coup, nous avons 1 point pour Léa et 2 points pour Paul. Oh, je suis Juliette. Bonne soirée. Juliette, vous repartez avec une pile usagée. Ouais. Elle est rechargeable ou pas? Non rechargeable. Ok, donc j'en veux pas. C'est votre cadeau. Et Léa repart avec quoi ce soir? Le sourire. Et Léa repart avec 2 piles usagées. Vu qu'elle nous a dit une réponse, elle mérite au moins ça. Merci. Paul, est-ce que vous êtes prêt pour la troisième manche? Oui. La troisième manche, le top du top. Il n'en reste plus qu'un. À toi de découvrir le mot qui se cache derrière la charade. Tu as 30 secondes. C'est moi qui ai écrit la charade. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Attention. Mon premier, un chien en a 4. Mon second, en automne, elle tombe de l'arbre. Mon troisième est la lettre après QRS. Et mon tout sert en cuisine. Ah. Une pâte feuilletée. Oui. Bravo. Nous avons un gagnant ce soir en question pour un concours. À moi la barre de Doliprane. On commence bien cette soirée en beauté. Le gagnant est Paul. À moi la boîte de Doliprane. Est-ce que vous êtes content? La régie précise qu'il était l'unique et seul candidat de la dernière manche. Oui, mais la régie, il peut perdre, hein, il peut perdre. Oui. Il peut perdre à la dernière. C'était forcément lui qui gagnait s'il gagnait, quoi. Oui, mais là, il gagne. Paul, vous repartez avec une magnifique boîte de Doliprane. 1000, c'est votre lot ce soir. On vous souhaite une bonne chance pour la suite des événements. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même date, même tout, hein. Pour de nouvelles questions, pour de nouvelles aventures, de nouveaux candidats, si je me trompe pas de prénom cette fois-ci. Et puis merci aux candidats d'avoir joué pour Question pour un... Concon. C'était pas mal, moi. Très belle émission, moi je dis. Ah, moi je dis que c'est la meilleure. Bravo. Il y a encore des trucs à perfectionner, mais moi je dis que c'était pas mal quand même. On a juste plus de voix après le buzzer, mais c'est bon, c'est pas grave. Et du coup, juste après, je vais me faire tuer parce que je dis que du coup. Juste après, nous allons savoir un peu un indice pour savoir comment s'appelle ce petit garçon que nous allons retrouver, que nous avons trouvé sur la plage. Moi je vais pas me le coltiner 100 ans, les gars. Donc, ce soir, je veux qu'on retrouve son père ou sa mère. Avant ça, Anaïs, on écoute quoi ? Don't Leave Me Behind de Fuzzy Vox sur Indestar. Actu solide sur Indestar, il n'y en a pas deux. Et c'est pas plus mal. Actu solide, Indestar. Et nous sommes là jusqu'à 23h. Et du coup, là, nous allons recontextualisation. Ça peut contextualiser. Voilà. J'avais pas compris, donc ça va. Imaginez, fermez les yeux. Nous sommes à la plage. Petit, petit mouvement de plage, là ? Non ? Petite vague, là. Et nous avons un petit garçon qui nous dit « Aidez-nous, aidez-nous ». Sauf, il est muet. Donc, il peut pas nous dire comment il s'appelle. Mais il nous faut son prénom. Parce que sinon, nous, le gambin, là, on se le coltine jusqu'à la semaine prochaine, je crois. Donc, non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que il fait chaud. Ouvrir les yeux ? Oui, vas-y. Elle a toujours les yeux fermés. Il fait très chaud. Nous marchons sur la plage. Qu'est-ce qu'on fait On enlève nos vêtements déjà pour avoir moins chaud. Et on peut aller manger une glace qui a juste là-bas un petit stand là. Un livreur de chouchou. Mais non. Si. Oh non, mais chichi, beignet chouchou, chichi, beignet chouchou. Courons les amis, courons, allez-y. Venez mesdames, messieurs. On arrive. Bon, on a des petits nouveaux là. Bon, comment vous appelez? On a Antoine, oui, c'est ça. Oui, ça. Voilà, c'est écrit sur ton t-shirt en grand. À côté, on a qui ? Anaïs. Amélie. Et Jolane. Et Juliette. Oh, bah vous avez envie d'avoir faim, vous, hein ? Oui. Ouais, on a la dalle. Bon, alors, je veux bien vous donner à manger, mais avant, j'aimerais que vous jouiez avec nous. Ah ! Alors, vous voulez bien jouer avec moi ? Oui ! Nous allons jouer à un fabuleux jeu qui s'appelle le Gold Number. Alors évidemment, avant de jouer, il faut chanter. Chantons tous ce générique ensemble. Je chante, vous chantez derrière, vous êtes prêts ? Oui ! Le Gold Number, c'est le numéro en or. À vous ! Le Gold Number, c'est le numéro en or. Encore ! Le Gold Number, c'est le numéro en or. Encore ! Le Gold Number, c'est le numéro en or. Je vous explique le principe du Gold Number. Évidemment, je vais vous donner un nombre de référence, un chiffre de référence. Il va falloir me dire si les propositions que je vous donne sont plus ou moins que le Gold Number. Attention, le Gold Number, le numéro en or du jour, c'est le numéro 8. Vous retenez bien 8 comme 8. Les 8 doigts de la main, n'est-ce pas ? Alors, oui, bien sûr. Attention, première question, plus ou moins que le Gold Number, le nombre de sucettes Chupa Chups vendues en France chaque seconde. À votre avis, c'est plus ou moins que le numéro 8, que le Gold Number ? C'est plus, plus. On aime sucer les... Non, moi je dirais moins. Alors, plus ou moins, il va falloir vous mettre d'accord. Est-ce que... Plus. On dirait qu'Anaïs aime bien sucer. Après, c'est votre choix. Alors, vous êtes plus sur le plus que sur le moins, c'est ça ? Ouais. Bon, je les suis, hein, de toute façon. Bah, fallait pas les suivre, ma petite Amel, puisque c'était 4 seulement. Ouais, 4, c'est déjà mais pas mal. Mais il y en a hein. Beaucoup quand même. Les sucettes, c'est démodé, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut se mettre à la page. En France. Question suivante, le nombre de nains dans Blanche-Neige, est-ce que c'est plus moins, ou moins que le Gold Number ? Et bah effectivement, il y en a combien de nains dans les 7 nains ? C'était 7, évidemment, la bonne réponse. Le nombre de morceaux de sucre présent dans une canette de Coca-Cola, est-ce plus, que c'est plus ou moins que le Gold Number ? Vous êtes plus, tous d'accord plus. Sur plus ? C'était moi. Il y en avait 7 aussi. C'est déjà bien, hein, 7 morceaux de sucre. Ah, dans... zut. Bah, zut, oui, zut, zut. Crotte à la... C'était sucré la question, quoi. Alors... Question suivante, attention, il n'y en a plus que deux et pour l'instant vous êtes à un point seulement. Ouais, mais c'est mieux que zéro. Non, oui, c'est mieux que zéro, mais ça vous donnera pas d'indice. Mais si. Le nombre de demi-journées dans une semaine, est-ce que c'est plus ou c'est moins que plus le nombre? Ah, évidemment plus que c'est plus. Il y en a 14. Il y en a 14, oui. Évidemment. Bah oui. Et vous avez vu mon estafette? Elle est belle, mon estafette, hein, Oui, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bah, à votre avis, il y a plus ou moins de roues sur mon estafette que le gold number? Plus. Je crois qu'un estafette, moins. C'est une voiture. Vous la voyez, mon estafette. Bah oui, bah désolé. Il y a plus ou moins que le gold number? Moins. Bah évidemment que c'est moins. Il y en a 4 roues. Okay. Bah sur mon estafette, évidemment, qu'est-ce qui compte? T'as déjà vu une voiture à 12 roues, quoi. il a compté la roue de secours à celle qu'il y avait dans le coffre. Il est mignon. Bon, vous avez gagné. Vous avez 3 points. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner une petite récompense pour vous féliciter. Je vous donne chacun un petit chouchou. Un petit chouchou pour Juliette, un petit chouchou pour le Toitouane, un petit chouchou pour la petite Anaïs. Merci. Un petit chouchou pour Lamel. Est-ce qu'il en a bien besoin, Jolan, d'un chouchou? Oh, voilà. Bon régime, t'as un chouchou. Un chouchou pour Jolan aussi. Allez, c'est vendu et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est chichi beignet chouchou, c'est le meilleur des. Ouais, c'est le meilleur des chouchous. Bon, bon, on va chanter ensemble le Gold Number. Oh, c'est mieux. Le Gold Number, c'est le numéro. Non, encore. Le Gold Number, c'est le numéro. Non, c'est bien. Ça, vous avez retenu la leçon. C'est bon, ça sera, c'est fini. Allez, allez. Alors, voyez. Au revoir. Au revoir, monsieur chouchou. Il est délicieux. Vous en pensez quoi? Bon. Petit indice, les gars, hein. je pense que le mot chouchou peut nous aider à trouver le prénom du petit garçon. De toute façon, vous n'avez pas le choix de me le trouver. Hein. Moi, il dort pas chez moi ce soir. Hein. Je vous vous débrouillez. On veut pas, moi. Quoique, au moins, il est silencieux. faut voir les choses du bon côté. Hein. Il est silencieux, il fait pas chier. Donc, du coup, Anaïs est une bonne élève. Oui. Note chouchou sur ton ardoise, pour pas qu'on oublie. Parce que Actu Solite, c'est un peu ça aussi. On oublie. On a une petite tête, quoi. Juste après, nous allons avoir Jolan, en faire tout un Jolan. Mm-hmm. Une rubrique lui correspond. Une nouvelle rubrique. Elle me correspond moi, mais est-ce qu'elle va vous correspondre vous, sur vous? Ah mais nous, on s'adapte à tout, nous. On s'adapte à tout. Nos problèmes. Mais juste avant, on écoute... Savage Love de DigiWales. DigiWales. Sur Indestar. Actu solide sur Indestar, quoi d'autre? Enfin, what else? Bah, un café, Georges. Oh, qu'il est bon son Gigi Waze. J'aime beaucoup. Et vous? Ouais, mais j'adore. Ouais, c'est sympa comme mais je kiffe. Il est actuellement 21h42. Nous restons là jusqu'à 23h. Vous écoutez Actu Solite sur Indestar. Si vous voulez réagir avec nous, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306. Appel gratuit, évidemment. Non, sur texte. Sous réserve d'achat de conditions. Ça vous est pas rappelé ça, non? S'il te plaît, dis c'est gratos, c'est plus stylé quand même. 24 centimes plus prix d'un SMS, c'est le fichier à rose 50 sauce. Et restez avec nous, Actu Solite, on est là pour rigoler. On ne se prend pas la tête. On a une ambiance de malade. Ouais. Non, elle est incroyable. Oui. Je ne suis pas aidée dans cette émission. On l'a refait. Okay, non, mais non, c'est bon. Actu Solite, une ambiance de malade. Ouais. On casse toutes les décibels. Ouais, ouais. Les flics vont bientôt débarquer au studio. Ouais. Mais non. Et on passe à une nouvelle rubrique. Mais non. Celle de Jolan. Oui, ouais. On a été chercher loin son titre. En faire tout un Jolan. Ouais. Là, elle était plus sûre. Oh putain de merde, Bernie. Quoi? Non, elle est con, elle. Bah, du coup, qu'est-ce que c'est tout un Jolan? Bah, en fait, c'est des expressions françaises que j'ai choisies et j'en ai choisi 3. Et c'est sous forme de jeu. Il y en a, il va falloir comprendre le sens et l'autre, il va falloir comprendre la suite. Enfin, la suite de la phrase, en fait. Alors, compléter l'expression, quoi. Ok, donc des fois, tu vas nous donner une expression entière qu'il va falloir. Là, comment ça va se passer concrètement? Là, la première, c'est qu'il va falloir vous deviner la suite. Ouais. Et les deux dernières, c'est la comprendre. Ok. Comprendre le sens de l'expression. Ok. Donc, c'est sous forme de points, je crois. Hein. Mais ne me regarde pas comme je ça. Je sais pas, je regarde la régie, j'ai un doute. alors. On va commencer. La régie est responsable de tout ce qui se passe dans ce studio. Même du jeu de Jolan qu'il a préparé lui-même. Oui, ah oh, merde. Hein. Alors, expression connue qu'on entend moins du coup pour connue mais qu'on n'entend pas. Elle est connue. Pas trop connue. Pour... elle est connue pas forcément pour notre génération. Moi je viens de te faire Woody Woodpecker quand même en rigolant. C'est pas... Alors quand on dit qu'on va se presser comme un bœuf. Comme un bœuf, non, c'est un citron. Ah bah putain, rapide, déjà c'est ça. Ouh. Et mais lui, il me... Je me suis dopé. Wow. Un point pour Antoine. Oh, un seul zeste, il a réussi à le trouver, ce truc. Alors, est-ce que oh, un seul zeste. Ah, c'était ouais. Bon, ça. Ah, merci, merci. Applaudissez-moi. Attends, est-ce que vous savez... J'ai pas fini. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, ce, se presser le citron ou pas? Se dépêcher. Ouais. Pas loin, ouais. Faire vite. Aller faire pipi. Un peu plus poussé. Non, pas pipi, non. Faire vite pour aller faire pipi. Non. Alors, se presser le citron, c'est se torturer l'esprit, se creuser la tête. Ah, je croyais qu'il allait dire se torcher le cul, oh. Ah, non, et oh, pas de truc que ça lasse sur la cuisine. Tu peux. S'il vous plaît. Il est 22h. Ah non, faut attendre encore un quart d'heure. Ah, pardon. Oui, les enfants sont pas... Pardon. Ils sont au dessert ou... Pardon. Je sais pas ce qu'ils font. Ensuite, là, ça va être une expression à comprendre. Il faut comprendre le sens. Donc, bon, je n'arrive déjà pas à la compléter. Merci, la régie. Là, ça va... Là, on va... En fait, c'est aller au charbon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Aller au travail. Ok. Antoine, pourquoi t'as pas réagi? C'était super simple. je précise que Juliette a réagi en même temps que nous. Coup, mais nous, on a une trop grosse gueule avec Anaïs. Moi, je sais, j'ai pas entendu, j'ai pas réagi. Pourquoi? Tu t'en as parlé. Le temps que t'as monté cerveau. Avec Théo. Ah, ouais, non, mais t'es pas obligé. Oui, non, mais t'es. Je laisse déjà répondre. C'est pour ça. Mytho. Je laisse les autres participer. Moi, je sais pas. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. C'est une émission sans points. Il n'y aura pas de gagnants alors. Et on peut pas toujours avoir des gagnants. Et du coup, il y a une autre expression qui est connue. Quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on dit généralement? Grossièrement. J'ai la frousse. Pas loin. Je me chie dessus. La trouille. Bah j'ai peur. C'est plus poli que je me chie dessus. Non, est-ce que je peux juste raconter une petite anecdote, s'il vous plaît, trop mignon, toute petite, vas-y, là. Vas-y. En fait, j'étais avec Théo dans sa voiture. Nous dirons pas ce qu'on a fait dans la sur voiture. Sur la banquette arrière. Et en fait, je suis rentrée dans sa voiture, étant fumeuse, il me dit oh, « Dis donc, tu sens la cigarette ?» Et en fait, il était en train de rouler, il s'est arrêté genre à 10 cm d'une voiture. Moi, serrant le cul, j'ai dit « Tu te calmes, sinon je vais chier dans ta voiture, c'est pas la cigarette que tu vas sentir, mais la merde !» Toujours voilà. En poésie, hein. Mais voilà. Ma 205 GT ne voulait ni l'odeur de la cigarette, ni l'odeur de autre chose. Voilà. Reprenons à nos moutons. Ah, du coup, reprenons. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme expression qui employée J'ai la frousse. Par les vieux. Reprenons à nos moutons, ça pourrait être une nouvelle expression. Ouais. T'as dit quoi? J'ai cru que personne allait reprendre. Revenons à nos moutons. Ah oui. Alors du coup, je vous laisse deviner ce que vous avez en tête. Bah, j'ai la poêle. J'ai la chair de poule. Ah oui. J'ai des frissons. Ah, par j'ai la trouille. J'ai les poils qui se dressent. J'ai des frissons, quoi. Ouais, vous y êtes pas. C'est à défaut d'avoir quelque chose qui se dresse, moi j'ai les poils. On avait dit pas avant 22h par genre de choses. C'est avoir les jetons en fait, c'était tout simple. Avoir les jetons. Bah faut y penser aux jetons déjà. Bah oui. Bah c'est un truc qu'on dit souvent. Hein. Bah, tu vas à Las Vegas. Moi j'ai peur, je dis j'ai alors, peur. Non, c'est nul ça. Non. Ouais. Théo nous a fait un petit signe là, les jetons. Ah oui, les jetons, pour moi c'est les machines à sous, c'est Las Vegas. Bah j'avais pas du tout pensé à ça. C'est le flou. C'est le poker. La caillasse. J'avais comme choix avoir peur, avoir la chienne, je connaissais pas ce. Avoir la chienne. Avoir la chienne, c'est avoir peur. Vulgairement. Attends, déjà, Amélie, elle a emmené sa chatte au veto. Hein? Non, ma chienne, du coup. Je sais, mais t'as dit chatte au début. Non, j'ai dit chiatte. Voilà. J'ai dit chiane. Oh, merde. Du coup, c'est les filles qui ont gagné. Du coup, ça veut dire, moi qui ai toujours peur d'avoir Momo le psycho devant chez moi quand je sors de ma maison le matin, je peux dire, putain, j'ai la chienne. Du coup, je peux dire ça. Ouais. Bah, c'est plus poli que j'ai la chiasse. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non, mais pour revenir à ce qu'elle disait, oui, moi, je reprends ça. Mais c'est quoi ton histoire de Momo le psycho? Non, parce qu'en fait, moi j'ai une peur bleue de sortir chez moi. En fait, moi chez moi c'est une maison et en fait tout autour c'est des champs. Et je me dis, s'il y a un Momo le psycho qui se balade comme ça et qui fait et moi je fais et tout, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je cours vite dans ma voiture. Tu sais que t'as deux bergers allemands, enfin t'en as un petit maintenant, mais t'en as deux quand même. Non, mais ils vont pas avec moi avec la voiture, tu vois, genre je vais toute seule. Et le registre de langage d'Amel, c'est tout en onomatopée. Non, et des fois je me dis, ça va, j'ai mon sac ou un truc comme ça, lui fout mon sac dans la gueule, ça va le calmer, à moins ça part pas mon sac. Hein. Ah, faut lui faire ça un matin, un jour. On va se mettre devant chez elle. Mais tu seras pas levé à 5-6h15 ou à 4-5h15. Pour finir, bah, on va retrouver d'autres expressions un peu plus compliquées parce que c'était. J'ai voulu faire facile pour la première. Donc et là, ce sera un peu plus poussé, je vais y arriver, pardon. Pour la semaine prochaine Pour la semaine prochaine, et ce sera dans des siècles un peu plus lointains. Ouais, moi, okay. Je comprends tout, voilà. De travers ce soir. Et ben pour l'instant, on reste dans le présent. Hein. Pour l'instant, restez dans le on présent. On reste dans le présent. Et qu'est-ce, voilà, qu'on fait là maintenant? Et ben du coup, ben, on passe au Dico Dingo avec monsieur Philibert qui était là l'année dernière et Antoine qui forme un très bon duo, puis-je dire. Un très beau couple, puis-je dire. Oui, bonsoir. Puis-je dire. Bonsoir, Philibert. Bonsoir. Dingo, c'est le Dico Dingo. Dico Dingo. Wouf, wouf, wouf, wouf. Comment le Dico Dingo, wouf, wouf, wouf, wouf. Le Dico Dingo. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon, ça arrête jamais. Hein. Comment allez-vous, tout le monde? Ça va. Les jumelles sont au taquet. T'as plein. On va tous vous défoncer. C'est bon, vas-y, on y va. Bon, attendez, je vous pense en train de... Oui, bonsoir. Bonsoir. Je sais pas pourquoi on te dit bonsoir du tout. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Alors, non, c'est Antoine. Ah, merde, pardon. Philibert, il est reparti. Il suit jamais rien, ce mec. Je suis désolé. Donc, je vous explique le Dico Dingo. Ok. Donc, je vous dis un mot. Donc, je vous dis un mot, vous devez trouver la définition. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. On est prêts. Oui. Alors, ce soir, le mot, c'est pétrogal. Pétrogal. Est-ce que ça a rapport avec le pétrole? Non. Ah, c'était la première question. Pétrogal, c'est pas le nom d'une voiture. Est-ce que c'est ça, ça a un rapport avec une maladie? Oui, la gale. Non. Un légume, un fruit. C'est un animal. Un animal. Un hérisson. Non, un pétrogal. Est-ce que c'est un animal connu qui c'est son deuxième mot? C'est un animal. J'ai pas compris. Non, tu sais, comme les hérissons, on peut dire des igloos ou des niglous ou niglos. C'est un animal qui est. Qui les igloos, c'est chez Decathlon. Est-ce qu'il est aquatique? C'est originaire de quelle contrée? Si j'ai trop de questions, laisse-moi parler. On va dire ça à 24 heures d'ici. Hein? 24 heures d'ici. En vol, d'avion. Tu peux redire le nom? Bah, c'est loin, quoi. Oui. Et nous avons Juliette ce soir. Juliette, on te laisse découvrir ce mot. Hein. Je peux pas dire le pays. Non, mais est-ce que c'est un animal aquatique? Non, c'est terrestre. Est-ce que c'est un éléphant? Non. Est-ce que ça ressemble à un avion? Mais non, mais c'est à 24 heures d'ici, y a pas d'éléphant ici. On s'en vient de quel continent? Dans un zoo, t'as déjà vu? Mais à 24 heures d'ici, en avion, tu peux faire le tour du monde. Déjà. Ah. Oui, c'est vrai. Mais du coup, peut-être c'est en France. Bah oui. Mais après, 24 heures d'ici, tout dépend si tu prends la voiture, le bus, un avion. Le train. Oui, mais après, tu peux prendre l'avion. Après, t'as un taxi pour aller jusqu'à là-bas. Est-ce que ça peut aller très loin? Est-ce que je sais pas. Ça se domestique, tout ça? Non, ça se domestique. C'est pas. Un crocodile? Non plus. C'est un lion? Alligator? Non. Une girafe? Un girafe? Ça se chasse ou pas? Est-ce que c'est reptile? Un kangourou? Tout ça? Ouais. Oui, allez, ça a trouvé, c'est un kangourou. Oh, oh mon dieu! Bravo! C'est un kangourou des régions rocheuses d'Australie. Mon dieu! Et il a quoi de particulier? Et c'est à 24 heures d'ici! Et peut-être qu'il saute vachement haut! Ah oui, l'Australie à 24 heures en vol, oui, c'est ça! Hein. Oui, c'est ça! Ah ouais, ok! C'est vachement plus long que ce que je pensais! J'ai bien fait de viser dans l'Australie, moi! Hein. Ouais, mais c'est avec un petit avion à hélice, Juliette! Le petit clin d'œil que nous a fait Anaïs était magnifique! Merci! Voilà. Je tiens caméra, on recommence! Ok, c'est pas grave! C'était gênant, ça! C'était trop! Et du coup, c'était le. Kangourou! Non, Dico Dingo. Je suis déjà passé à autre chose. Moi, j'ai pas le temps ce soir, on n'a pas le temps. Anaïs, c'était le. Kangourou! Dico Dingo! Ça m'a les cons! On a vraiment que des gens qui suivent pas dans cette émission. Hein. C'est infernal. Hein. Du coup. Encore? Oui. Ah, tu l'as encore dit? On va tout de suite écouter une musique. Non. On va déjà écouter une musique qu'on a faite après. Hein? Laquelle? Oui, on va être ridicule. J'ai demandé à la lune. Mais d'abord, de Indochine. Oui, mais d'abord, on écoute du Nina Natal. D'ailleurs, on écoute. Oui. Écoute you're no good, ouais. You're no good, you're no good, you're no good. Le défouloir du mercredi soir, c'est Actu Solite sur Indestar. Actu Solite, Indestar. Nous sommes le mercredi 6 octobre. Exactement. Oui, on n'a pas changé de date. Exact. Dans 3 minutes, il sera 22h. Oui. Nous pouvons mais dire non. Toutes les conneries que l'on veut juste après. Oui. Que l'on veut. Les enfants vont se coucher. Normalement. Alors si je puis me permettre. Ils devraient déjà être au lit, les enfants. Alors c'est pas ça que j'allais dire, mais oui. C'était en rapport aux conneries. Je me disais tout. Est-ce que venant d'Amel, est-ce qu'on peut vraiment autoriser toutes les conneries ou pas, quoi? Ah oui. Bien sûr, raisonnablement. Hein. Ah, dans la limite des stocks on disponibles. Peut dire des conneries. Mais je suis raisonnable. On peut dire des conneries avec modération. Voilà. Et toujours. Si vous toujours. Voulez dire des conneries avec nous, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. C'est gratos. Et est-ce qu'il voit une gueule de cul, non? Alors non. Ah, ok, c'est dommage. Non, mais ils verront un jour parce que c'est vrai que dans Actu Solide, on a prévu pas mal de défis. Oui, bah oui. Des séquences qui seront aussi assez visuelles. Donc on ne manquera pas de les filmer et de mais vous les mettre après sur les réseaux sociaux. Non, parce que depuis tout à l'heure, je fais des relâchés de cheveux. Je suis c'est un peu stressant d'avoir un et genre, non, personne me regarde quoi. D'avoir la caméra en face de toi. Je trouve que c'est un peu stressant. Ouais, ah, mais dis-toi qu'elle ne te filme pas, donc ça va. Là, est-ce que. Je vois le retour de la caméra. Ah, bah je te remettrai le retour. Est-ce que je viens de faire le moment on s'en fout de l'émission là? Oui. Oui. Non, parce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, petit lâcher de cheveux, petit. Pour attirer un peu tout le monde. Bah, pour attirer l'attention. Toi, attends, tu vas voir quelqu'un, tu fais. Ça y est, il a attiré par ça. Ça marche, ça marche. Toi. Ça, c'est la technique de drague de Hamel. Putain de jalousie, quoi. Antoine, comment tu dragues, toi? Moi, c'est un plan. Je drague, maintenant, je suis en couple. Ah oui, alors, tu t'interdis de draguer alors. Et tu l'as dragué comment? Tu l'as dragué comment? Bah, j'ai emmené un pote à son travail, puis je l'ai rencontré là-bas. Donc après, bah. Téléphone, tu c'est vois. L'amour au travail. Ah, t'as appelé, tu as. Allô. Bah, en fait, tu vois, je l'ai appelé. Elle est où ta mère près de toi. Maman, il y a quelqu'un pour toi. Hey, c'est pas Paul qui s'est fait manier sa queue mieux que personne. T'as si j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Moi non plus. Ah bon. Mais, il manie sa queue mieux que personne. Ouais, je l'ai appelé un soir, puis je lui ai dit bah, écoute, ce serait bien qu'on se voie. Qu'on se voie. Oui, qu'on se voie. Ah là là là, déjà, il a commencé par une foutre de syntaxe. Ouais, ça serait bien qu'on se voie, puis bah, on s'est vu, puis après, bah. Mm-hmm. Ils se sont plus quittés. Et ils ont fait une webcam, ils se sont dit c'est bon, c'est vu maintenant. Non, je te l'avais en vrai. En vrai. Ciao. D'accord. Et alors, après, c'est parti. Et bah, grâce à elle, il perd du poids. On dirait, ils font du fitness. On attend 25 secondes encore. Anaïs, quelle est ta meilleure technique de drague? Parce qu'on le voit pas à la caméra. Moi, mais je ne drague pas, je me fais draguer. Ah, oh, genre. Comment ah, t'as fait un petit clin d'œil. Elle a mis des nattes, comme dans La petite maison dans la prairie, comme dans Lauren Giles. C'est quoi déjà la musique? Na na na. Et bon, on a compris. Hein. Na, on précise, on prend pas de drogue. Non. Toi, c'est nous. On gagne du temps. Je me demande si la région prend pas de drogue. Je vous le dis, hein, si je veux. Ouais, t'es chiant. Juliette, c'est moi, ta meilleure technique de drague. Oula. Je ne drague pas en réalité. Imagine, tu es dans la rue, tu croises un beau garçon. Elle chante du manga. T'es en train de chantonner comme ça, blablabla. Et là, un joli garçon te heurte malencontreusement. Pense pas, Théo. Regarde-le pas si tu veux. Je dis pardon et puis je m'en vais. Oh là là. Bonne journée. La même chose. Et s'il est beau et qu'il part, tu mates un petit peu son petit cul. Voilà. Et après, tu pars. Évidemment. Voilà. Jolan. Je ne drague pas non plus. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il est célibataire. Dit-il. Est-ce que t'es en couple? C'est pour ça qu'il y a des mains droites qui existent. Moi? Bah oui, toi. Ah pardon. La régie s'abstient. Abstinence à vie. Ah bah abstinence à vie, oui, évidemment. Chacun ses choix. Et toi, ouais. Et Amélie, drague comment, Amélie? Moi, je me fous à poil direct. Ah oh merde. Il est dans la rue comme ça. Ça passe ou ça casse. Il regarde la marchandise, ça lui plaît, on y va, allez, go, go, go. Et il y en a qui font des arrêts cardiaques. Voilà. Je vois un mec beau, j'ouvre ma chemise comme ça, allez, c'est parti. J'ai pas compris. Après, il y a les pompiers qui sont venus. J'ai pas compris. Mais du coup, voilà. Mais au passage, une esthéticienne est passée à côté. Elle fait toi, je t'épile la vie, toi, gratuitement. Toi, on a rendez-vous demain. Il y a du travail, écoute, je te prends une semaine avec moi. Ça peut aider, hein. Écoute, hein, on fait comme on peut. Hein. Bon, passe-moi l'heure grave, les gars. On va se faire ridiculiser. C'est pas grave, on a l'habitude. J'ai peur. J'ai honte, surtout que c'est moi qui parle en première, c'est moi qui chante en première. Parce que la chanson arrive. Je crois que c'est la régie qui chante en premier. Non, c'est moi. C'est Hamel, je confirme, c'est Hamel. Pourquoi tu ramènes ta fraise pour dire de la merde? Je sais pas, j'avais envie. Tu la fermes ta gueule. D'accord. Oh putain. Oh. Et du coup, c'est un peu comme une parodie en fait. On se dit, tiens, on va chanter sur cette musique et on va créer une musique à thème. Donc là, c'est la rentrée. Forcément, on est la rentrée. Donc on s'est dit la rentrée. Ah, tu dis avec un tel enthousiasme. Ça fait plaisir. Rentrée. Et c'est moi qui l'ai inventé. Ah, là, il y a de l'enthousiasme. C'est pour ça que c'est pas terrible la parole. Non, ça va. On dira ça quand tu l'auras écrit. Hein, on en parlera. Ouais. On en reparlera. Ouais, ouais. D'accord. C'est un air connu par contre. Oui, c'est J'ai demandé à la lune. Ah. D'Indochine. Ouais, c'est une chanson qui était sortie au début des années 2000 qui avait cartonné. Tu sais de quoi ça parle à la base quand même, cette chanson? D'une lune? Non. D'une histoire de couple? Non, tu ne sais pas d'un enfant, je crois. Il y a une histoire d'amour, il y a une alors, fille. Il y a un enfant. Tu t'approches, Antoine. Ah oui, son fils, non son Non, c'est les. Tu sais, les il enfants. Il a perdu son fils. Non, c'est pas ça. Les enfants qui ont la maladie de peau, qui ne peuvent pas rester au soleil. Ah oui, les enfants lunes, bah les personnes lunes. Hein. Voilà, c'est pour ça que bah, dans la chanson originale, que vous irez retrouver, parce que là, c'est pas du tout celle-là qu'on va vous passer, la chanson originale, vous avez le petit enfant qui tient dans ses bras et dit, voilà, j'ai demandé à la lune parce que faut pas en parler au soleil, etc., parce qu'il supporte pas le soleil. Ah, mais c'est pas mal. Mais moi non plus. C'est vrai qu'on a tendance des fois à écouter des musiques et tout, sans avoir le sens. Ouais, mais nous, à Indestar, tu se lis, tu comprends direct le sens. On est un petit peu cultivateur. Voilà, c'est ça. Genre. Voilà. Cultivateur. Ouais, on est cultivateur. D'accord. C'est parti pour la fiche de la semaine. Ouais. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai pas besoin de me répéter, tout le monde est au courant, on est sur Actusolite. Hein, premier single de l'album qui sortira jamais. Première d'une non-gueulinier. On en a fait des mieux quand même. Oui. Un peu plus synchronisé, un peu plus travaillé. Ouais, j'avoue. Mais franchement, c'était pas mal. Moi, je dis qu'on a du potentiel. On va demander à Juliette, qui est fan de chansons de manga et qui chante particulièrement bien. Alors, on va désolé, aller c'est pas podcast, du manga. Hein. Mais... Ah non, c'est très bien. J'adore la chanson française. Non, mais tu peux nous allumer, tu peux les allumer en direct. Tu sais, moi, même si tu dis que c'est pas bien, j'ai pas chanté, donc c'était pas forcément très très juste. Ok, tu peux mais partir. Je pense que l'essentiel c'est de s'amuser. Et ah là, oui, on peut sentir l'amusement était dans vos voix. Ah bah l'amusement super. Était bien. Si hein. vous voulez nous appeler pour défoncer la race de Jolan parce qu'il a jamais voulu chanter avec nous, c'est appelez-nous, ça. Je vous le dis là. C'est 09 70 407 306. L'important c'est de participer comme on dit dans la. Mais je le chanterai voilà. pas. Voilà, il est pas drôle, il est pas drôle. Mais moi je dis qu'on était pas mal hein. Et moi je pense oui, que t'as pas besoin de chanter juste pour chanter bien. Ouais. En vrai. La preuve, Joule. On l'informe, Joule. Bah là on est oui parce qu'on a mis l'autotune. Hein. Ouais parce qu'on a des voix de merde. Et donc c'est pour ça. T'as remarqué Antoine que même avec l'autotune ça rattrape pas tout hein. Eh ouais. Non ça. C'est ça, je me demande ça. Antoine on dirait qu'il est défoncé. Non. Et moi je me suis. Non mais moi j'étais devant le micro, j'étais en mode j'ai demandé à Indestar. Vas-y ça va passer, c'est bon. On à la était prof tous que à non. Non c'est il y a des moments où ça passe pas quoi. J'ai un peu honte quand même. Quand hein. quoi la drogue ne rattrape pas tout. Merci Antoine. C'était la phrase voilà. de la fin. Tout de suite, raconte-moi. Non, bah nous on n'importe quoi, Amélie. Non, tu vas trop vite là. Tu vas trop vite. Oui, bah excusez-moi. Hein. Prenez le flambeau aussi un ou d'un moment, je peux pas tout faire. Hein. On est aux Jeux Olympiques. Là on est à Genève. Non, on est sur Koh-Lanta. D'accord. Non, il y a pas un flambeau sur Koh-Lanta si. J'en sais rien, si, j'ai jamais regardé Koh-Lanta, j'ai pas la télé. Si, c'est une flamme. T'as pas la télé. Non, j'ai pas la télé. Oui, il a pas la télé. Tu vis dans une grotte. Non, je n'ai pas la télé non plus. Bah voilà. Merci. Mais vous êtes très étrange. Mais non, il n'y a pas besoin de la télé en 2021. Non, il est très étrange. Moi, j'ai une télé chez moi. Ah, oui, moi aussi. En fait, c'est un peu paradoxal. J'ai la télé chez moi. Tu sais, j'ai l'écran. Oui, moi aussi, j'ai un écran. Je n'ai pas de décodeur, donc je regarde YouTube. La neige. Est-ce que tu regardes la mire de la télé? Non, mais là, quand même pas. Non, mais en même temps, le gars, c'est un geek. Donc lui, c'est plus ordinateur que oui, télé. Oui, voilà. Moi aussi, mais enfin, les consoles. La Switch, la Wii, tout ça. Oui, d'ailleurs, en parlant de Switch, j'ai mon copain qui m'attend pour un Mario Kart après. Moi, j'ai une console de brancher dessus. Une PlayStation 2 console récente, parce que j'ai aussi une Mega Drive. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a de plus récent chez lui. Hein. Voilà. Et, c'est dernière vrai sortie 2020. Hein. Oui, oui, voilà. Non, mais je m'adonne de temps en temps à des plaisirs vidéoludiques, mais très peu. Non, mais du coup, t'as pas de télé, tu fais comment? Eh ben, je fais comment? Je regarde l'ordinateur. Bah, il fait sans télé. Moi, c'est moi qui l'ai fait la télé. J'ai pas le temps. Voilà, c'était là. La petite histoire de télé de Théo. Ouais. On était contents. Et une histoire de plage maintenant. Voilà, c'est ça. Nous allons retourner sur la plage. Mm-hmm. Ah. Essayer de trouver le prénom de ce petit garçon. D'accord. Qui est muet. Oui. Donc forcément, il peut pas nous le dire. Hein. Vous avez tout de suite compris. Oui, ça, on a compris. Il pas quoi. Et ouais, moi je frappe, j'en ai rien à foutre. Et du coup, Anaïs, nous allons écouter quoi? Et this ship sink. Voilà, moi je me suis pas lancée à le dire. Vous voyez pourquoi, si Anaïs n'y arrive pas, je vais pas y arriver. Hein. Du coup, sur Indestar. Actu solide sur Indestar. Actu solide sur Indestar. Je le fais bien moi aussi ou pas? Oui. Parfait. Voilà, on est là jusqu'à 23h. Vous êtes encore au taquet? Ouais, ouais. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Vous êtes pas content d'être là? On est content d'être là. Ah, il y en a deux qui m'ont suivi quand même. J'ai eu peur. Mais j'ai failli me sentir comme une con quand même d'un coup là. Wouh. Merci de m'avoir rattrapé. Tout de suite. Rien. Plaçon, machin. Oula. Fin de soirée. Alors si je peux me permettre, c'est laissons place l'expression. Laissons. Mais non, tu sais, genre je voulais dire laissons place à la plage. Ok, ah, c'est bien. Genre à ça, tu veux dire. Ah. Bah, ce calme paisible. Mon Dieu, je vais dormir. Ça me rappelle un peu genre quand je suis partie en vacances. Alors ça, c'est pas la plage, si je puis me permettre. C'est pas la plage. Non, c'est que vous êtes directement à l'office de tourisme. Là, ah bah, on a traversé la plage, on a l'office de tourisme. Non, moi je veux traverser la plage. Allez, traversons la plage. On y va. Mais qu'est-ce qu'on ferait bien pour trouver un indice pour ce petit gamin? J'ai une idée. Allons à l'office de tourisme. On dirait pas genre les acteurs dans Wheelers Dealers France. Non, ouais. Dans Secret entre voisins et tout le bordel aussi. Là, c'est pareil. Moi, j'ai pensé à Dora l'exploratrice. Alors dans toutes les sitcoms. Ah oui, grave. Ouais, dans Dora l'exploratrice aussi et dans Wheelers Dealers France où ils sont particulièrement mauvais. J'ai regardé ce week-end. Ah oui. Je regarde souvent et c'est vrai qu'ils sont. Alors il y a l'émission anglaise où en gros ils achètent une voiture, ils la restaurent et la revendent. C'est ça l'idée. Et en fait la version française, autant la version anglaise est bien, autant la version française est peut-être aussi scriptée que la version anglaise. Sauf que les mecs ne savent pas du tout jouer. Genre ils sont là. Ils sont trop sûrs. Oh mais dis donc. Les cuirs de la voiture sont abîmés. Tu c'est as raison. Il va falloir les réparer. Voilà, c'est totalement ça. Peur, c'est pas sorcier. Sur jeu. Oui. Shipper, arrête de shipper. C'est exactement ça. C'est comme une fois aussi qu'il y avait où ils étaient rentrés sur le Jaguar et t'as Jerry, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus. Je crois que c'est Jerry. Ouais. Il fait ouais, il nous faut des pièces en voiture anglaise. Mais tu sais, il cherche pendant, je crois, un quart d'heure ou deux, trois jours sur internet, je sais pas ce qu'il fait. Mm-hmm. Il fait au bout d'un moment, il fait « Oh, mais je suis bête, j'ai le numéro de Mike !» De Mike de... Wheelers Dealers en anglais. Je fais « J'ai qu'à l'appeler !» Et t'as envie de lui dire « Mais espèce de clown, tu pouvais pas le faire avant ?» Comme s'il n'y avait pas pensé avant. Mais oui, c'est... Et ça t'arrive jamais, ça. C'est trop surjoué, en fait. C'est trop surjoué. Bah oui. Mais c'est bah, en même temps, c'est pas des acteurs, et malheureusement. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Mais je me l'écaille un peu sur la plage. Hein. Si vous pouvez aller sur cette office de tourisme, ça serait bien. Quelqu'un, il est où le gamin? Prends-le par la main. Oui, attends, je le prends. Prends-le par la main. Un enfant, par la main. Attends, il y a un peu de bruit, on va aller par là. Oui, bah allez, prends-le. Oui, dépêche-toi. Bah, oui, je l'ai pris, il est avec moi là. Comment tu vas, petit? Ah bien, souris, papa. On y va. Allez, office de tourisme, c'est parti. Tic-tic. Ding-dong. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Oh, bonjour. Mais vous êtes nombreux, vous êtes au moins 12. Au moins ça. C'est vos lunettes, vous voyez triple. C'est parce que je vois double, excusez-moi. Bon, comment je puis-je vous renseigner? On voudrait savoir si vous connaissez ce petit garçon. Alors, pas du tout. Par contre, moi, je peux vous donner des indices sur la région, si vous voulez connaître un petit peu la région, le coin. On a du temps à perdre, son prénom, quoi, de base. Voilà, bon, par contre, va falloir m'aider parce que j'ai, comme qui dirait, des petits trous de mémoire. Hein. Bon, alors, si vous voulez visiter. Et votre prénom, pardon? Ah, c'est Germaine. Germaine. Germaine, évidemment. Alors, si vous voulez visiter la France, je vous conseille ce. Comment il s'appelle? Ce grand bâtiment en fer. La Tour Eiffel. Oui, c'est ça, c'est la Tour Eiffel. Ah, mais vous êtes... vous connaissez c'est Paris. Ah, c'est... Tu connais Orléans, toi? C'est Paris. Ah, merde. C'est Paris. C'était une blague. Cool, toi. Non, mais personne n'a suivi. Non, mais c'est bon, allez-y, on reprend. C'est effectivement la Tour Eiffel. Oh, bravo, madame. À Paris. Allez visiter la Tour Eiffel et nous en avons en exposition des petites, si vous voulez acheter l'effigie de la Tour Eiffel pour dire comme si vous aviez été à Paris. Ah, c'est bien fait. Si vous êtes plus au sud, par exemple dans la région des châteaux de la Loire, il y en a un qui est posé sur le Cher, avec de très jolis jardins. Alors, c'est pas Chambord. Chenonceau, c'est pas en bois. Oui, c'est Chenonceau, voilà. C'est Chenonceau. C'est moi qui. C'est pas moi qui dit, madame. C'est moi qui dit. Ah, c'est. Ouais, vous me ressemblez. Je vois double. Ah, vous êtes quatre. On va les jumelles, là. Vous avez gagné. Non, là, on est des quadruplés, là. Oui, c'est ça. Mais j'y pense. Mais suis-je bête? Je perds la tête. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous avez peut-être plutôt envie de visiter la région, non? Vous proposez quoi, madame? Ah bah, y a une... Alors, attendez, comment ça s'appelle? C'est cette ville-là où il y a Louis de Funès qui a tourné avec Galabru à l'époque. Des films Trompée. Dans la... Saint-Tropez. Trompée. Mais n'importe quoi. Tu dis Azur au milieu de Côte d'Azur? Non, bah tu dis Saint-Tropez. Putain, bah désolée, j'ai passé mes sorties. Saint-Trospet, c'est une magnifique ville. Pour aller faire la fête, vous allez à Saint-Trospet et vous vous éclatez. Et puis n'oubliez pas que ce soir, parce qu'à Saint-Trospet, il y a la plage, hein, mais sur notre plage, nous, ce soir, il y a un nouvel humoriste qui va se produire pour son premier one-man show. Hein, ça va peut-être vous intéresser, il a l'air d'avoir beaucoup d'humour. C'est son premier one-man show. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances. Vous passez du temps dans la région. Vous êtes là combien de temps? Pas longtemps. Le temps de retrouver le gamin, en tout cas. Les parents du gamin, tu veux dire? Parce que le gamin, on l'a déjà. Ah oui, mais. Ah, oui, oh, bah, c'est ça, vous cherchez les parents de ce petit enfant. Exactement. Oui. Ah, il a l'air mignon. Non, on sait pas, il parle pas. Ah, bah, il a l'air encore plus mignon. Il est vachement silencieux, c'est vrai qu'on a de la chance. Ouais, il est calme, hein. Eh bien, je vous souhaite bonne chance ou bonne adoption si vous retrouvez pas son prénom. Je l'aide pas, moi. Non, mais si vous retrouvez pas son prénom, vous allez pas le laisser seul comme ça, le pauvre. Moi-même, j'ai été abandonnée par mes parents en 1903. Bah, on vous le laisse. Non, je n'ai plus l'âge pour m'en occuper des petits enfants. Je peux crever demain, les gars. Bon, mais je vous souhaite un bon séjour sur nos plages. Hein. Merci. À bientôt dans notre office de tourisme. Je vous souhaite une journée paradisiaque. Au revoir, Germaine. Nous avons deux indices. Nous avons le premier indice qui est Chouchou et le deuxième One Man Show humoriste. Bah, je pense que ça doit être ça parce qu'elle a dit One Man Show. Ouais, mais elle a dit un nouvel humoriste. Moi j'étais plus j'avais plus retenu Tour Eiffel, Chenonceau, Saint-Tropez, One Man Show, ça m'a pas. Mais alors l'indice c'est je crois hein, si humoriste. Je puis me permettre, mais l'indice c'est ce qu'elle vous donne à la fin. Donc tout à l'heure le vendeur vous a donné des chouchous. C'est vrai. Et là la dame de l'office de tourisme vous a renseigné sur le fait qu'il y avait un nouveau One Man Show ce soir sur la plage. Donc c'est avec ces indices là qu'il va falloir retrouver le nom du gamin. Drôle de prénom du coup hein, Chouchou One Man Show. En fait je pensais déjà qu'on parlait d'un chien parce que en fait Chouchou moi ça me fait penser à un chien. Tu vois. J'aurais pu s'appeler mon chien Chouchou que le gamin. Mais non, Chouchou c'est un non, chien. Non, c'est un chouchou. Mais c'est pareil, on dit tous un chouchou. Hein. Donc on est d'accord que pour l'instant vous avez aucune idée de quel est le prénom du gamin. Non. Et bah va falloir patienter. Peut-être que vous le savez, hein, vous, si vous avez des idées, les réseaux mais sociaux, Instagram, le Facebook, le numéro de téléphone, tout ça c'est gratuit. C'est gratos. Surtout quand pas ça fonctionne pétos. Les réseaux sociaux parce que lundi, ah ouais, ça a foiré. Ah ouais bah j'ai, bah pas vous avez pas... j'ai pas vu le sondage de Starter sur Instagram. Bah, le sondage de Starter a été mis en ligne après. Oui, il a été mis en ligne mardi. Ouais. Mais tu sais que l'année dernière, quand on a commencé Starter, c'était il me semble que c'était la même chose. Le même problème. À chaque fois, à la rentrée de Starter, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Faut annuler l'émission. Je sais pas, les serveurs ont décidé de planter à la rentrée. Bah ouais. Monsieur Mark Zuckerberg s'est dit, si on faisait un bug. Mais le pire, c'est qu'il a perdu 6 milliards d'euros, je crois. Bah c'est bien fait pour sa gueule. Ouais. Voilà. Donne-les-moi. C'est clair. Du coup, juste après, raconte-nous une histoire. Non, raconte-moi une histoire. Mais on te la raconte tous. Donc raconte-moi une histoire va arriver. Mais avant ça, on écoute. Anaïs. Contrôle de hyène. Contrôle du yen. Yen. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Indestar. C'est bien ça hein. Je connaissais pas du tout. Non plus. Alors là, c'est ce qu'on appelle les YOLO music. Oui bah je connaissais pas du on tout. On découvre des musiques. 50 voilà. Années ça. Il y a que Théo qui peut nous trouver des musiques comme ça. Sur internet. Internet regorge de musique comme ça si tu veux. et j'ai toute une collection. Voilà. Et on aime vous les diffuser sur Indestar dans ActuSolite. Ah, on adore ça. Oh. Franchement, c'est de la culture en plus. Hein. Et les gens peuvent dire hey, hier, j'ai écouté une Yole Music. Ah. Qui te dit grâce à nous, ils vont devenir connus. Ou pas. Je sais pas si ça mérite d'être connu, ça. Bah attends, ils sont quand même écoutés par Indestar ActuSolite quand ouais, même. Ouais, et puis bon, la gamine a 10 ans, quoi, donc on peut pas lui reprocher. Elle a peut-être grandi depuis. Ouais, maintenant elle a 18 ans, elle a honte. Ah, c'est ça, t'as fait que 7 ans que c'est sorti ? Non, j'en sais rien. Ah, ok. Bah, putain, toi de nous dire des commentaires de merde. Qui sont même pas vrais en plus, ou tu sais pas hein. Je sais pas, j'ai pas l'info. Bravo. Quel âge a notre Janet maintenant ? J'en sais rien. Si tu écoutes Janet. Elle a 80 ans. Et bah, appelle-nous. Ou si même elle vous, vous le ans, savez. Hein. Peut-être pas. Non, je déconne. Il y a pas que nous, hein. Il y a aussi eux qui peuvent le savoir. Hein. Ouais. Qui voilà. Eux ? Vous ? Vous, ouais. Nous, moi, tu, tout le monde. Tous les pronoms Will. Personnels. Et du coup, maintenant, tout de suite, maintenant, hein, on perd pas de temps. Hein. Mm-hmm. On va passer sur Raconte-moi une histoire. C'est quoi fou. La règle du jeu est simple. Mon Dieu, qu'est-elle ? Vous allez tous nous raconter à tour de rôle une histoire. Et à nous de deviner sur nos petites ardoises si c'est vrai ou faux. Mmh. Et le gagnant... Gagne, bah, il gagne. Alors, tu veux dire qu'en fait, il faut que l'histoire soit crédible en voilà, c'est réalité, ça. Soit elle est crédible ou pas, soit pour nous c'est vrai, soit pour nous c'est faux. Ça peut pas être vrai faux, hein. Il n'y a pas les deux qui existent. Hein. Ouais. Chez nous, c'est soit noir, c'est soit blanc, c'est pas gris. C'était magnifique. Qui commence ? Allez, ah bah, je sais pas. Hein. On peut faire un clip clac-cloup. Hein. C'est quoi ça ? Un Shifumi ? Un Shifumi ? Non, je suis. Qui n'existe pas d'ailleurs. Hein. Le Shifumi ou le clic clap cloup ? Le clic clap cloup. D'accord. Clip clip. Anaïs ? Oui, bien sûr. Yes. Là. Dans les montagnes d'Asie vit un ours en voie de disparition. L'ours de Tibet, qu'on appelle aussi l'ours noir d'Asie. Jusque-là, tout va bien. C'est un peu raciste. Hein. Non, pas du tout. Bah, l'ours noir d'Asie. Il y a des blancs aussi. Hein. Okay. Il existe une loi en Asie. Merci Jolene. Donc lorsque quelqu'un croise un ours de Tibet, il doit aussitôt prévenir les autorités pour ensuite l'emmener en sécurité dans un élevage, excusez-moi. Oh putain de où merde. Il sera élevé, par exemple pour chercher le courrier ou plein d'autres choses. Quoi ? Ouais. On allait dire que ton ours peut aller chercher ton courrier. Il sera élevé pour justement essayer de le garder le plus longtemps possible en vie, de le reproduire pour bah il s'en voit disparition, s'en voit disparition donc voilà. Ouais. Et voilà quoi, avoir une espérance de vie élevée, qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient à l'abri de charognards. À votre avis, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Vous le notez sur votre ardoise. Mais faux pour moi, s'il te plaît. On est un peu en manque de moyens sur une Indestar. Hein. On se partage une ardoise. Et je vois que tout le monde est faux. Alors tout le monde a mis faux. Moi, je me dis qu'elle pouvait être assez vicieuse, genre dans sa petite tête. Pour dire des trucs comme ça, genre moi je la vois bien. Non, je m'étais dit déjà, au début non, ça peut déjà, marcher. Hein, oui, au début j'y ai cru, mais après boîte aux lettres, son espace protégé, mais ouais. L'élever oui, pour qu'il aille chercher ton courrier, non. Ouais, déjà, ouais. Là déjà ça part en couille là. J'ai dit, il serait élevé à faire plusieurs choses. Oui. Allez chercher oui, le courrier, allez chercher le courrier. C'est pas le devoir de nous faire. T'imagines, petite ours, remue ce que j'ai préparé à manger là avec ta danse. C'est pas un chien qui va mordre le facteur, c'est la putain d'ours. Il arrose le jardin si t'as besoin. Il pisse dehors et t'invite au chalet. Exactement. Et bah, vous avez faux parce que c'est vrai. Quoi c'est vrai ? Non, il l'a inventé. Ah putain, mais il est con, hein. On a eu peur, hein. Voilà, à vous. Donc, on a tous eu faux. Non, on a tous eu vrai. Putain, ah, elle m'a perturbée, ça y est, là. Bon, qu'est-ce que tu viens de dire des blagues comme ça ? C'est vrai. Non, c'était faux, inventé de mon imagination. Quelle belle imagination. Merci. Bon, j'ai mis du temps à la trouver, celle-là. Jolane, tu peux y aller. Allez, Jolane. Okay, vas-y. C'est à toi. Let's go, mon Jojo. Dans la joie et la bonne humeur, nous sommes partis. Si vous êtes à fond sur Netflix en ce moment, et que, Squid Game. Vous regardez les séries du moment, il y a Squid Game qui cartonne. Exactement. En France, et comme c'est international, ça marche bien, tout simplement. Voilà. C'est du coup, vrai. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, non, mais c'est une série de 9 épisodes, du coup, qui bat les records en ce moment. Que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez pas regardé. Donc, par contre, si vous êtes un peu sensible à passer votre chemin, c'est pas fait pour vous. Bon, ça va, tranquille. C'est pas foufou non plus, hein. On parle pas du film ça non plus. Non, mais c'est pas. Ok, mais il y a des scènes qui sont trash, et je peux pas spoiler, parce que. Non, mais. C'est pas moi qui dis mon cul. On se calme, hein. Non, mais je crois que dans le premier épisode, la femme claque la porte. claque. Hein. Ah, c'est possible. Assez violent. Assez violent. Non, mais. Enfin, bref. si vous aimez l'action un peu trash, La claquage de porte. Regardez la série. De toute façon, c'est Made in Korea. Donc, au pire, dans tous les cas, tu vois un peu de sang gicler dans la tête du. C'est forcément violent. Donc, pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous vous rappelez du début de la série quand ils viennent recruter les participants? Ils leur donnent une fameuse carte avec un numéro de téléphone. Oui. En fait, c'est que moi j'ai eu un problème, c'est qu'en fait je m'endormais toujours 10 minutes avant le prochain épisode. J'avais la flemme de regarder les 10 minutes. Non, mais là c'est vraiment le début. Hein. Donc je sautais en fait. Donc j'ai en fait, fait ça pour Breaking Bad, moi je me suis endormi lors du premier c'est épisode. C'est horrible, hein. Ouais. Et franchement, t'as du mal à archiver. Après, t'es là en mode. Ah bah après, mais pourquoi j'ai lui il est là? Et pourquoi lui il est revenu? Oh bah merde, hein, je continue. Hein. Non, du coup, j'ai arrêté la série. Du coup, ce qui s'est passé dans cette série, c'est qu'il y a eu un bug en fait. Et je vais vous expliquer ce que c'est ce bug. En fait, le numéro qu'on voit sur la carte, c'est pas un numéro fictif, c'est un vrai numéro. Du coup, le mec les fans, parce qu'il y a des fans forcément de la série, il reçoit entre 20 000 appels et 20 000 SMS par jour, comme c'est international. Les fans appellent le mec, un mec de 40 piges, il en a plein le cul, il se voit avec les autorités pour mettre en justice la série. Donc, et c'est compliqué, mais ils essayent. Et il y a eu un bruit de. Oui, non, mais selon vous, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je mettrais vrai. Moi, je mettrais vrai aussi. En tout cas, je tiens à applaudir Jolan. Quoi? Il a fait plus de 2 phrases. Et il n'a pas parlé de policiers. T'as de la chance. Bravo, mon Jojo! Mais les policiers sont arrivés chez le mec. Ils l'ont saisi, il avait de la drogue. Ah, merde! Ah oui, c'est bon, le 40 piges, ouais. Moi, je dirais vrai parce que je le vois mal inventer un truc comme ça. Ah, moi, je me dis, plus c'est détaillé, plus c'est bon. Je crois que c'est vrai, je crois que je l'ai vu sur Internet, il me semble. Mmh. Moi, ça me paraît crédible. Vrai. C'est doux. Moi j'irai vrai aussi. Alors ? Ok, c'est vrai. J'ai le suspense à chaque fois. Allez, 2 points pour Bibi. Ok, y a pas de soucis. Moi je me suis dit 2 points pour tout le monde. Et tu imagines le truc, les producteurs de la série, ils se sont dit à un moment, tiens, on va afficher un numéro de téléphone, on sait pas s'il est fictif ou pas. Ah, ils ont mis des numéros pif. Ah, bah ouais, ouais, mais clairement. Essayer, ouais. Quoi. Ah, moi. Vous êtes chaud ? Ouais. Ah mais attendez, je suis encore sur question pour un concon. Ah oui. J'ai pas encore avancé, hein, écoutez. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Oui. Moi, c'est un métier insolite qui se pratique en Inde. Imaginez, vous sortez de chez vous, vous oubliez de vous laver les oreilles. Pas de panique, les gars, j'ai une solution. Vous allez voir un nettoyeur d'oreilles. Mmh. T'es en train de nous faire un objet insolite, là. De 7h à 20h. De 7h à 20h du matin. Ça peut être quoi? Quoi? 20h du matin? De 7h du matin à 20h le soir. Ouais, mais c'est mieux. Okay. Hein. C'est un métier qui est retranscrit un peu de père en fils. Donc ils se sentent obligés. Tais-toi, reprends pas ma phrase. Ils se sentent obligés de nettoyer les oreilles des gens. Ils se sentent obligés en fait de nettoyer les oreilles des gens parce que. Il y a tricherie! J'ai une question quand même. Qui est une question pratique parce que normalement les cotons-tiges sont interdits depuis 2021. Ah ouais? Je me dis, bah oui. Non, c'est une blague. J'en ai dans mes oreilles. Non, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Non, mais par contre, je vais mourir. Parce que tout le monde sait dans cette pièce, à part Juliette, qu'on va apprendre à se connaître, qu'elle est en extase quand elle se lave les oreilles. Que moi, c'est un orgasme de me laver les oreilles. Je suis pas sûr qu'elle a envie d'aller. Je suis pas sûr que nos chers auditeurs ont envie de savoir que tu fais des orgasmes quand tu mets des cotons-tiges dans les oreilles. Non, mais alors moi, c'est un métier que je pourrais faire direct. Je mets mes cotons-tiges. Hop, dans l'oreille. Je regarde Anaïs, je fais, on dirait pas Shrek. Mais après, je retire, je frotte bien. Alors là, Teddy me comprend sur ça. Mais mon Dieu, l'extase qu'il y a de se laver les oreilles. Moi, je suis désolée, j'ai essayé de prendre du plaisir en fermant les yeux. Je suis désolée, mais des fois, ça me nique les tympans. Moi, j'ai pas besoin de fermer les yeux. Alors, c'est que tu vas trop profond, Anaïs. Je crois que c'est ça. Oreilles, c'est tout, quoi. C'est... Ah ouais, bon. Non. Le coton-tige en plastique est en train de disparaître. Donc je me dis, est-ce que c'est crédible comme métier? Est-ce que ça va perdurer surtout? Est-ce que tu m'as dit du coup, père en fils, est-ce que ça pourra se prolonger? Moi, après, c'est en Inde. La question que je me pose, j'ai eu la chance d'aller en Inde et qu'ils n'ont pas une super hygiène de vie, malheureusement pour eux, comment ils font? C'est quoi leur manière de procéder pour laver les oreilles? Mais comment ils font? Pourquoi t'es venu en Inde? Le karcher. Ils mettent dans l'oreille. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Comme ça. Allô Tu crois que... Attends, la prochaine fois, je l'appelle, mais il y a un peu... Je pense qu'il doit y avoir un peu de décalage horaire. Et du coup, la dernière fois, il me fait « Attends, je suis en train de curer une oreille, je suis à deux doigts de lui faire un tympan. » Je lui dis « Excuse-moi, tu me parleras de ton métier plus tard. » Je pense que c'est faux. Allez, gogné. Moi, je dis vrai parce que c'est beaucoup trop détaillé. Non, mais t'imagines, juste d'enlever la cire. Ah, arrête, genre, voir les gens avec de la cire et tout, t'es là en mode... Avec la main. C'est dégueulasse. Ah non, mais ça, c'est le métier de ma vie. Après, tu refais le parquet. Oh. Non mais le mec il est mi Oh putain. Et comment on a refait le parquet d'ici? J'aime tellement me laver les oreilles. Je repeins tout moi. Le mec m'a refourgué toute la cérumène qu'il avait. Et du coup hop, on a refait le parquet. Vous êtes horrible. Non mais ça c'est génial franchement. Je glisse bien maintenant. Et vu qu'on avait un trou, on a fait des bougies avec. Voilà. Non mais alors je vous jure, franchement, essayez de vous curer les oreilles avec un coton-tige et vous êtes là en mode non. Non, je suis pas sûr que ça procure du plaisir pour tout le monde. Mais banalement, tu sais, c'est je me brosse les dents, je me lave les oreilles. Moi, je suis désolé, aucun plaisir. Alors moi, je me brosse les dents parce que c'est indispensable, mais je prends pas du plaisir à me laver les dents. Quoi. Non, mais moi, c'est un peu le... limite, je mets plus de temps à me laver les oreilles que les dents. Hein. Ah bah, j'aimerais pas t'embrasser alors. On est nettoyeurs d'oreilles ou pas? Moi, j'aime bien le truc sur la tête, tu sais. T'as pas ça, toi? Un masseur de tête? Non, j'ai mon copain. Ah, le masseur de tête. Oui, le truc. Ah, il est bien, le masseur de tête. Bah, j'ai vu des vidéos sur genre YouTube. Moi, j'en ai un vrai. Hein. T'as l'air con quand même. T'as l'impression de te branler sur la tête. T'as l'air très con, mais il y a les animaux, par exemple. Les animaux kiffent ça, apparemment aussi. Ah bon? Ouais. Bah, j'ai pas essayé sur mon chat. Essaye sur ton chat. Est-ce que tu kiffes Jojo? Est-ce que tu kiffes? Tu kiffes le grattage des cheveux, les Jojo? Je vous raconte, si vous connaissez pas cet objet magnifique, qui est donc un espèce de manche avec des petites. Ça ressemble à un fruit, en fait. Ouais, c'est comme une araignée aussi, ça me fait peur. Ouais, alors non, les araignées, j'ai peur, donc moi ça va ça. Mais, c'est une petite nature. Imagine la prochaine fois que tu t'en fais. Ah non, pas l'araignée. Et il y a des branches souples, et vous mettez ça sur la tête, et effectivement, vous faites des mouvements de va-et-vient qui vous procurent un certain plaisir. Okay. Voilà, c'était mon anecdote cheveux. Voilà, bah moi d'accord. C'était mon anecdote oreille. Oreille. Et Jolane, c'était son anecdote dent. Mais ça ne dit pas si ton métier était un vrai métier ou pas. Oui. Alors vrai faux. Ou faux? Faux pour moi. Faux. Moi j'avais mis vrai. Enfin je sais pas, ça me paraissait un peu crédible quand même. Parce que enfin tu sais, c'est en Inde, il faut bien faire ce qu'il faut pour gagner sa vie. C'est un peu pauvre quand même. Et puis il y a bien des testeurs de plein de trucs. Alors moi, tu Anaïs? Oui bah oui, j'ai mis oui. Moi tu m'aurais dit en Chine. J'aurais j'ai mis oui vrai. Mais c'est vrai ou faux? Vrai. Et c'était vrai. Ah yes. Bravo. Bravo les filles. Et voilà. Girl power. Nous sommes toujours là. On va écraser tous ces gars qui servent à rien. Les girl power. Ok, il y a encore plus personne. C'était la seule sur ce single, je le connais pas. Moi non plus. Bon, c'était de l'impro. Il est pas encore sorti. Bientôt. La semaine prochaine. Je me vois trop, j'allais chanter comme ça. Bon Antoine, allez, on s'active, J'ai cru qu'elle allait m'oublier quand même. Bah non. Bah j'ai failli moi. Moi aussi. Moi on va partir dans les années où Théo il avait déjà 20 ans, donc les années 50. Ouais. Je les ai connus. Bien belle époque, les années 50, la reconstruction, le début des 30 glorieuses. Ah, qu'est-ce qu'on vivait bien. On avait les premières machines à laver. Allez, on laisse Antoine parler de son sujet. Donc moi, on part aux États-Unis dans les années 50. C'est donc, loin. Les Cadillacs dans les années... Oh, ta gueule. Il n'y avait pas encore Mustang. Pas encore. Et moi, on part aux États-Unis, donc c'est carrément une famille sicilienne qui avait émigré là-bas. Et pour gagner de l'argent, ils ont eu la bonne idée de faire du trafic de cocaïne. Et sicilienne, ça vient d'où? Sicile. Sicile, merci. Et il faut savoir que... Sud de l'Italie. Et savoir pour vendre leur cocaïne, ils utilisaient leur magasin d'huile d'olive. Ils utilisaient leur magasin d'huile d'olive pour vendre leur cocaïne dans le magasin. L'huile d'olive au Puget. Plus j'ai d'huile, hein, plus je suis content. C'est l'accent du Sud. Hein. Qu'est-ce que l'accent du Sud a à faire là-dedans? Ah, ma chère Maïté, vous êtes là? Oui. Ah, bah ensemble, nous allons cuisiner le poisson. Mets un peu de cette poudre là. Bon, alors Antoine, comme petit Antoine. Cocaïne dans le jean. On va à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, c'est faux. Tu peux noter la réponse? C'est faux. Moi je dis que c'est vrai. Moi je dis que c'est vrai. T'as dit quoi dans l'huile d'olive? Non, t'as dit faux. Tu vas pas changer, t'es un tricheur. Ils utilisent leur magasin. Pour vendre leur... Ah, ils utilisaient. Après, ils ont pas dit que c'était dans l'huile, hein. Bah, moi, j'ai dit faux, Oui. Moi, je dis vrai. Moi, je dis vrai. Eh bah, c'est Jo qui a raison. C'était faux? Oui. C'est tiré d'un film. Ah ouais. Et lequel? Le parrain. Ah ouais, putain. Oui. J'avais pas fait le lien. Bien joué. Je l'ai pas regardé. Je suis choquée pour une fois que Jolane a fait son premier point depuis 3 ans. Bon, non, j'ai pas regardé le parrain. Bon, comme si ce personne aussi l'a pu. Du coup, la régie a-t-elle noté les points pour... Pas du tout. Ok, merci, au revoir. Gros chien. Mais je pensais que vous le notiez. Mais bon, ah oui, moi j'ai 2 points. Non, mais moi j'ai pas du tout noté, les gars. Non, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes points. Hein. Ouais. Je crois que les filles sont les mêmes. Moi je crois que j'en ai tous gagné. Match nul. Ouais, voilà, on est tous égalité. Ouais, on est tous à 2. On a tous gagné. On verra ça la semaine prochaine. C'était l'émission test, toi, tiens. Arrêtons de prendre la tête. On a dit, on rigole. Ça va, vous êtes en antenne, tout va bien. Oui, bah oui, personne nous entend, hein. Nous allons partir en musique avant de trouver le petit prénom du petit bonhomme. Du petit bonhomme. On se met absent pour deux minutes. Tu peux redire? T'as vu ce jeu de mots? Non. Non, parce qu'en fait, on va écouter Absence, See You Again. Ah, ah c'est la reprise de, tu sais, Fast and Furious. Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Ouais, c'est dans Fast and Furious. Quand Brian, il quitte Dom, et il part vers de nouvelles aventures. Ça me perd plus. Enfin, bref, vers les cieux. Actu solide sur Indestar, il y en a pas deux. Et c'est pas plus mal. Ouais, c'est clair. Ouais, see you again. Hey, c'est de la balle quand même, ces musiques. Hein. Anaïs, elle a dit c'est clair quand même sur il y en a pas deux et que c'est pas plus mal. Ouais. Je vais pas balancer, mais quand même. Ça clash. Non, heureusement que. C'est pas mal. Heureusement qu'Indestar nous a demandé de faire qu'une semaine, bah qu'une journée par semaine d'Actu Solite. Ouais, t'imagines deux émissions dans la semaine. Non, bah là on meurt. Là, je pense que là on s'en sortirait plus. Les auditeurs demandent une pétition, ils demandent à faire un Indestar, c'est trop. Non, mais c'est peine perdue, c'est comme ça. Y'a plus rien à refaire là. Non, je crois qu'on est foutu. Anaïs, ouais. Où sommes-nous? Bon, on est quelque part sur la radio. C'est déjà pas mal. Nous étions sur la plage il y a quelques minutes, ah oui, pour retrouver ce petit enfant. Non, on l'a trouvé. Non, oui, on l'a trouvé. Et en fait, faut qu'on trouve. D'ailleurs, ses parents. Il me tient encore la main et je crois qu'il en a marre là. Mais moi, je dis quand même, les parents sont irresponsables parce que ça fait quoi? Ils savent qu'ils ont un enfant muet. Donc t'imagines, il se noie, il peut rien dire. Mais je suis sûr qu'il l'a ça appelé, fait déjà mais deux heures qu'ils l'ont perdu. Bah, ouais. On ne cherche pas. Non, mais je suis sûr qu'ils l'ont appelé, mais il a pas répondu aussi, donc c'est pas de leur faute. Ah, ok, je viens de comprendre, mon dieu. Non, c'était pas foufou, hein, c'était franchement. Ah, si Je suis ouverte à tout humour, mais là. Ah, si. Et t'es fermée comme une mitre. J'ai compris la blague. Non, mais c'est dur de le comprendre. Mais on y arrive au fur et à mesure, hein, avec le temps. Et nous avons été voir un vendeur de glace tout à l'heure qui nous a donné le mot chouchou. Exact. Chouchou et one man chou. Mais non, mais suis pas, toi. Ouais. C'est pas le vendeur de glace qui a donné le mot one man chou. Et du coup, nous avons couru. Et on s'est dit, tiens, si on allait voir l'office de tourisme. Exactement. Qui nous a donné ce mot one man show. Oui, pardon, non, c'est l'office de tourisme. Ouais, et humoriste. Oui, si tu veux. C'est putain, ils sont chiants ces gens derrière à gueuler. Hein. Je vais aller voir, je leur fais un coup de boule, ils vont rien comprendre. Trop sympa. Mais je vois un bonhomme là-bas, il a l'air assez triste. Bah, comme le petit garçon, ça me fait de la peine. On irait pas. Et ben on les laisse ensemble. On se casse. Non, on va aller ensemble. Bon, bah on est de tristes ensemble. Allez, go, on y va. Tu fais là. Non, marche. On dirait le bruit d'un clignotant. C'est des talons sur le sable. Monsieur, est-ce que oui. Ça va? Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bah zut, qu'est-ce qu'il y a? Non, bah je pleure parce que plus personne veut de moi. Il y a plus de plage. Plus personne veut de moi. Vous voulez passer un petit peu de temps avec moi, les amis? Alors ça dépend pourquoi. Au point où on en est, hein. J'ai un jeu dans mon sac. Vous voulez jouer? Ah, pourquoi pas, ouais. On aime les jeux. Uno. Allez. Bon. Allez, go. T'as mis 14 heures. Alors, oh bah vous êtes nombreux à vouloir jouer. Ça me fait plaisir, ça. Avec plaisir aussi. Alors. On est heureux. Première question. Elle est comme moi, elle chagrine le matin. Mais le soir, elle redonne l'espoir. Oh, si seulement. Une chatte. Quoi? T'es chelou, toi. Mais non, un chat, quoi. Fileuse, infatigable. Un chat. Elle tisse des fils impalpables. Une araignée. Une araignée. C'est la bonne réponse. On est fort, hein. Mais on est fort, il dit aucune réponse depuis tout à l'heure. Vous voulez une deuxième question? Oui, allez. Oui. Je suis avec de présence. Qu'il soit noir, gris ou bien blanc. Comment il est, le gamin? Il n'y en a pas d'autre semblable. Pardon. Il suit le vent. Il suit le souffle du vent, pardon. Ça il va. Reste pour nous impalpable. Oula. C'est pas le nuage? C'est le nuage. Mais bravo. C'est bien ça. T'as triché. Putain, il s'est trouvé un carreau de QI dans son cerveau. Je vous pose une troisième question. Allez. Elles font le tour des continents. On les gravit difficilement. Les montagnes? Mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. What? Quoi? Mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Se les tenir, bah tu peux... J'ai dit une connerie, hein. Des skis? Moi aussi. Elles font le tour des continents. Les planètes? Non. On les gravit étoiles. Difficilement. Les étoiles, ouais. Qu'est-ce qu'on gravit difficilement? Bah des montagnes. Non. Les étoiles. Des échelons. Non. Le mont Everest. C'est pas ça, c'était des côtes. Oh, il fait chier, côte montagne, mais, merde. Mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. On se tient les côtes. Ah, oui. Bah, oui. Ah putain. Ah, ouais. Allez, je vous pose une dernière question. Vous n'allez pas me laisser comme ça, quand même. Hein. Par son mouvement de va-et-vient. Oh. A créé Écoutez la fin de la phrase. Faut pas nous dire des trucs comme ça sur Actusolite, c'est pas possible. Par son mouvement de va-et-vient, a créé un courant, il parvient. Il change une chaleur détestable, comme aujourd'hui, en un mouvement bien agréable. Le soleil ? Le soleil ? Non, c'est pas le soleil. Les vagues ? Le soleil, il crée pas un mouvement de va-et-vient. Voyons. Si, le va-et-vient du jour. Je suis désolée, mais t'as pas. T'as... C'est l'ombre. C'est autre chose, là. C'était l'éventail. Ah oui. Il courant d'air, il parvient à créer les. Oh, bon, bref. Bon, bah écoutez, vous avez réussi. Chose que moi je n'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire à faire rire les gens. Moi je suis un nouvel humoriste et voilà. Non, et bah arrêtez-vous là du coup. Hein. Non, bah en fait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dénoncé. On a dit que j'avais tout piqué sur les Américains. J'avais piqué toutes mes vannes sur les Américains, alors que c'est pas vrai, je les ai inventées moi-même, moi, mes vannes. Et en plus, j'étais avec une très jolie femme, c'était une princesse, et elle m'a quittée. Alors aujourd'hui, j'ai plus rien, et me voilà sur cette plage à pleurer. Que vais-je devenir ? Est-ce que tu veux l'enfant ? Ne me rajoutez pas un poids supplémentaire. Trouvez-lui ses parents à l'enfant, moi j'en veux pas. Bonne journée mes amis, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci, bah non, je suis sur la plage, je parle. Bonne baignade alors. Bon du coup, je pense que le troisième indice était princesse. Alors c'était quoi le... Américain ? Je me permets d'intervenir. Vous avez trois indices que vous avez récupérés tout au long de cette émission. Donc, vous avez le premier indice, c'était quoi ? Chouchou. C'était chouchou, très bien. Donc chouchou, ça peut être n'importe quoi. Le deuxième indice, c'était quoi ? Humoriste. C'était humoriste. Un humoriste qui apparemment a piqué toutes ses blagues aux Américains. Moi, je pensais à Jean. À Jean de quoi ? Bah, pour Jean du Jardin. Jean du Jardin, mais quel rapport avec chouchou ? Mais chouchou et loulou, t'as une fille. Ouais. D'accord, il y a l'humoriste, mais par contre, pourquoi Jean du Jardin aurait piqué ses blagues sur les Américains ? Parce qu'il a envie ? Non. Personne n'a une idée, Juliette ? Ah non, bah, que dalle. Je sais pas du tout. Pas du tout ? Bah, un humoriste qui a récemment été en procès pour ça. Il était en couple avec une princesse. Ah bah, c'est Gad Elmaleh ? Bah oui, c'est évidemment que c'est Gad Elmaleh. Donc le petit garçon s'appelle ? Gad, bravo ! Eh bah, on va voir si. On va vérifier si non, c'est. Non, mais ça. Surtout que là, on perd pas une seule minute. Maintenant, on peut rendre le gamin, quoi. Alors, non, il faut d'abord retrouver les parents. Oui, mais voilà. Justement, on va aller à la cabine de plage. Vous avez une cabine de plage, vous avez un micro, donc vous allez aller faire une annonce et puis appeler, voir si ses parents vont réagir. Allez, on y va. Cher baigneur, nous avons retrouvé un enfant au nom de Gad. Le petit Gad est demandé à la cabine de plage. Le petit Gad. Ah la connasse, elle le fait trop bien. Oui, bonjour, bonjour. Ouais, je suis la maman du petit Gad. Ah, vous n'êtes pas muette, vous ? Non, bah non, je suis pas muette. Oh, bah heureusement, vous avez retrouvé mon fils, ça c'est génial. Bah faites un peu attention, merde. Oh, merci, hein. mais ça fait. En fait, on était avec mon mari, on était partis au musée. Ah, bah on oui, logique. Nous... Bah, il... Mais non, mais on s'est dit, il va nous laisser tranquille pendant un petit peu, c'était bien. Ah, bah bien. Oui, bah oui. Mais là, on voulait repartir, on était à deux doigts de repartir, et puis on s'est dit, bah ça quand même, il va nous manquer. Vous avez déjà pensé à lui mettre une laisse ? Ah, bah je vais y penser, mais c'est une très bonne idée, mademoiselle. Ou un collier électrique comme ça, dès qu'il se casse un peu trop loin, bip. Ah ouais, oui, avec une télécommande pour le rappeler. Oh, c'est une très bonne idée. Ouais, merci beaucoup d'avoir retrouvé mon fils. Avec plaisir. Ah, merci. À la revoyure. Salut. Oh, merci. Salut. Allez, Gad, on rentre à la maison. Hein. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah bah non, tu dis rien. Il va nous manquer quand même, ce gamin. Franchement, je pense qu'il avait tous les atouts. Genre, il parlait pas. On en l'entendait tous les cas, pas, bravo. Sage. Vous avez résolu la première enquête de l'année. Le premier recto verso, vous avez mérité cette musique de victoire. Vous êtes récompensé par ce cadeau que je vous offre. Ce cadeau virtuel qui va vous servir tout au long de l'hiver. Une écharpe gonflable pour vous. Des trucs super utiles. Je sais pas, j'avais envie de vous offrir un cadeau ce soir, mais heureusement, c'est moi qui paye. Mais y a rien à payer, ça m'arrange. Prochaine émission, prochain jeu recto verso la semaine prochaine, nouveau thème. Oui, Amélie. Bah oui, on ne bouge pas, on reste là bah, pendant un an, hein, on ne bouge pas, 21h, 23h, le mercredi, pardon, excusez-moi, ouais. Je sais même plus, je suis comme Jolaine, je sais plus quand est-ce que c'est mon émission. C'est bien parce que plus l'émission avance, plus il y a des invités. Tout à l'heure, donc bah, Juliette qui nous a rejoint tout au long de cette émission, qu'est-ce que t'as pensé de l'émission, Juliette ? C'était très chouette, t'avais trouvé Gad Elmaleh ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, hein. Bon, désolé, on n'était pas encore parfait. Hein. Je savais pas qu'il avait été en couple avec une princesse. Ah, bah, bah, moi non plus. Monaco, la princesse de Savoie. Ah, de Savoie. Il y a Thomas aussi qui nous a rejoint. Salut Thomas. Salut. Ah, il a la même voix que la dame du... Le chef de tourisme. T'aurais pu faire la maman. La prochaine fois, on l'appelle. La prochaine fois, on t'appelle pour les voix. Parce que moi, j'ai plus de voix, j'ai la crève. Ce soir, faut le dire. Et du coup, la semaine prochaine, vous avez Starter. Ouais, lundi soir. Lundi soir, de 21h à 23h, si je me trompe pas. Eh bah si. Tu vois, on n'aurait pas dû te laisser partir. 21h-22h. Même si des fois on dépasse. Et je suis désolée, moi j'aime bien les voitures et je veux que ça dure plus longtemps. Écoute le podcast de cette semaine. Ouais, déjà. Hein, et on en reparle. Évidemment, les podcasts que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment. Vous allez sur indestar.fr, vous allez sur toutes les applications. Vous pouvez réécouter l'émission Starter. Vous pouvez réécouter l'émission de ce soir si vous avez loupé un bout. Et puis vous avez vos chroniqueurs préférés sur Starter. Hein. Il y aura Théo, Teddy, Antoine. Si ouais, c'est ça. Mmh. Allez, un bon point pour moi. Ouais, bravo. Et on parlera de quoi la semaine prochaine, Antoine ? De Louis Renault. Louis Renault, donc le créateur de la marque Renault et de la Fiat Panda. Je me demandais qui c'était Louis Renault. C'est vrai, j'ai pas fait la. Ah, tu t'es pas dit Louis Renault, ça pourrait être. Ouais, moi non plus, je s'appelait Louis. Bah, ouais. Donc, ça, c'est la semaine prochaine à partir de lundi 21h. Et qu'est-ce qui se passe mercredi 21h également ? C'est le retour de. Actu Solide ! Avec un nouveau. Personne. Oh, ouais, aussi. Non, je voulais dire un nouveau recto verso, mais également des nouveaux personnages, des nouveaux jeux, des nouvelles rubriques. Des nouvelles questions, des nouvelles questions. Pour un concon. Questions pour un concon. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? On va écouter de la musique. De la musique, mais tout au long de la semaine, vous pouvez découvrir évidemment plein de titres, des reprises de chansons que vous entendez ailleurs à la radio, mais de façon différente, c'est sur Indestar. Il y a également des bootlegs, des mashups. Qu'est-ce que c'est le principe c'est du. C'est le mélange de deux chansons. Ouais, genre. Genre du. Choisis. Moi, il y en a une qui m'avait choqué, c'était du Rammstein avec du. Carlia Jepsen. Oui, voilà. Ouais, la base musicale de Rammstein. Do. Voilà, c'est ça. Do hast. Do hast, mais tu connais, maybe. Voilà, ça va parfaitement bien ensemble. Voilà. Et des originales à découvrir toute la semaine. C'est un petit peu le principe d'Indestar, là où tout commence. Une aventure qui perdure. Allez, on écoute quoi. Nous sommes nostalgiques. Pour terminer. Bah, on va écouter Voyou, ouais. Les bruits de la ville. D'accord. Sur Indestar. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Dire à demain. Au revoir tout le monde. Bisous. Ciao, ciao, des bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.